bienvenue sur Énergie, 5h55, nous sommes le 14 juin et aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui, il faut mettre les bières au frais dans le frigo. Ah oui, c'est vrai. C'est marrant, il n'y a que les mecs qui ont percuté. Mais pourquoi? Ah bah oui. Et on a deux femmes dans le studio qui regardent. Il y a du foot, c'est sûr. Ah oui, c'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde. Oui. Il y a du foot, c'est le début de la Coupe du Monde. Nous, c'est pas une priorité chez nous. Mais c'est le. Tu sais quoi? Rendez-vous dans 3 semaines lorsque tout le pays sera fou de joie, lorsque la France aura avancé. Et là, tout le monde dira on adore le foot. C'est la priorité de tout un peuple et il faut que ce soit dès le début, quoi. Alors, voilà. Il faut que ce soit dès le début parce qu'on ne sait pas quand ça s'arrête. C'est ça, c'est ça. Mais le premier match, c'est quand même Russie-Arabie Saoudite. C'est vrai que c'est pas le match sur le papier le plus kiffant. Alors, disons que c'est pas, effectivement, pour démarrer la Coupe du Monde, voilà, Russie-Arabie Saoudite, on va dire que c'est pas le match où tu te dirais en temps normal, on arrête tout, on le regarde. Voilà, c'est ça. Mais c'est la magie de la Coupe du Monde. Ouais, d'un coup, d'accord. Tu te dis, ça va être génial. Ouais. Et voilà. Donc, ce soir, évidemment, on éteint les téléphones. Et on n'est pas joignable. Ouais. Soyez les bienvenus sur Énergie. On démarre dans 4 minutes. C'est Manu dans le 6-9 avec vous, comme chaque jour. Mais avant ça, comme chaque jour aussi, c'est le club du 555. 5h55. On est tous ensemble. On est bien. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'écoute un titre qu'on n'a pas l'habitude d'écouter. Titre qu'on n'a pas écouté depuis longtemps. Mais quand on l'écoute, on se dit, oh putain, ça c'est bien ça. Oui. Eh bien, c'est ça le club du 555. Les Cardigans. Wow. Yes. Oh, j'ai retrouvé ça. Ah ouais. Un petit régal. Cool. My favorite game sur Énergie. Bon réveil. Sur Énergie, il est pile 6h. Le soleil se lève et le coq va chanter. Bon réveil. On est avec vous pour démarrer cette journée. Soyez les bienvenus, c'est Manu dans le 6-9. Il y a le dernier Dadju qui arrive pour vous. Et dans 10 minutes, comme chaque jour, pour se sentir bien, pour se sentir propre, pour se sentir sain, pour se sentir femme. Wow, wow. Les concours du jour arrivent dans 10 minutes. Des gens improbables qui font des choses improbables, ça arrive pour vous. Et on s'est dit, ouh, il y a pire que nous dans le monde. Avant ça, voici les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Une belle journée en vue sur les trois quarts de la France. Du soleil au menu pour la majorité des régions. Un temps assez calme en tout cas pour tout le monde. De gros nuages, un petit peu de pluie sur un axe Pays de Loire, Hauts-de-France, en passant par la Normandie. La fin de semaine s'annonce plutôt correcte avec un week-end agréable en principe. Les températures cet après-midi comptaient 19 degrés à Périgueux, 20 à Metz, 26 à Fréjus. Et un dernier petit mot de la météo avec cette alerte orange aux inondations toujours en vigueur sur 12 départements de la moitié ouest. Des crues en cours encore en Normandie mais aussi dans le sud-ouest, des Pyrénées-Atlantiques au Tarn-et-Garonne en passant par les Landes et la Haute-Garonne. 32 nations pour un seul rêve, soulever le trophée de la Coupe du Monde de foot dans un mois. Ça débute aujourd'hui à Moscou avec le pays hôte, la Russie qui affronte l'Arabie Saoudite à 17h juste après la cérémonie d'ouverture. Pour les Bleus, pas d'excitation particulière, pas encore en tout cas. Le premier match est programmé samedi face à l'Australie. Concernant le mondial 2026, cette fois le vote d'attribution avait lieu hier. Les États-Unis, le Canada et le Mexique ont été choisis pour organiser conjointement la compétition dans 8 ans. Dans l'actu également, nouvelle journée de mobilisation nationale en vue. Plusieurs syndicats, notamment deux organisations lycéennes, appellent à manifester un peu partout en France le 28 juin, un jeudi. Il s'agit de défendre les chômeurs, les étudiants, les travailleurs et les retraités. Les cheminots seront également bien représentés. D'ailleurs, le 15e épisode de grève s'achève ce matin. Retour à la normale avant midi sur les rails, reprise samedi soir. La journée mondiale des donneurs de sang, ce jeudi, un coup de projecteur sur ces millions de personnes qui n'hésitent pas à pousser la porte d'un centre de collecte. Les hôpitaux ont besoin de nous, encore plus au début de l'été. Ça ne prend que quelques minutes. Vous retrouvez la liste des adresses utiles et les réponses à vos questions sur dondusang.net. Les annonces d'Emmanuel Macron hier concernant la santé. D'ici 2021, par exemple, les opticiens devront présenter un certain nombre de modèles de lunettes remboursés à 100%. Et puis pour les prothèses dentaires, ce sera un petit peu le même système avec plusieurs choix possibles, dont certains totalement pris en charge par l'assurance maladie et les mutuelles. Elle est en train de bâtir un empire après la télé, les albums, les tournées. Ariana Grande développe cette fois son image dans les produits de beauté. Elle va bientôt sortir un nouveau parfum à seulement 24 ans. Le précédent avait quand même rapporté plus de 150 millions de dollars. La chanteuse vient de teaser sur ses réseaux sociaux une belle pub gratuite pour celle qui cumule quand même 121 millions de fans sur Instagram et 58 millions sur Twitter. D'autres chiffres pour finir, ceux du box-office français avec le carton de Jurassic World chez nous. Déjà 1 400 000 personnes qui l'ont vu en France pour sa première semaine en salle. Autre film énergie populaire, Deadpool 2 qui a franchi les 2 millions en un mois. 6h03, c'est la fin de ce flash, jeudi 14 juin. Bon réveil, bonne matinée avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. Très bonne journée. Vous soyez les bienvenus sur Énergie. Nous sommes le 14 juin. Bonjour, joli. Bonjour, joli. Une belle émission aujourd'hui, je vous l'annonce. Ouais. Si vous êtes avec nous à partir de 8h30, ils seront là pendant une heure. Ouais. Big Free, joli. Trop bien. Ouais. Je les ai jamais rencontrés. Moi non plus. Ah. Donc je sais pas, on va voir. Ouais. Ils ont l'air sympas. Ouais, ouais. Très cool, ouais. Un mec qui porte une casquette et qui est rigolo avec son petit frère, ça peut être sympa. Ouais. Des frères, c'est touchant, moi, je trouve. C'est sympa, ouais. Ils viennent en famille, quoi, tu vois. Et t'as l'impression qu'ils s'engueulent jamais. Ça m'intrigue. Ouais, ouais, c'est vrai. Parce que moi, putain, je me prenais des roustes par mon frère quand j'étais petit. Ouais. Ah oui, c'est vrai. J'aimerais bien qu'ils se battent. Mais c'est sûr qu'ils s'engueulent aussi. Ouais, hein. Ouais, mais j'aimerais bien qu'ils fassent en direct. On va les chauffer entre eux et on verra. Mais non. Ouais, ce serait cool. Mais non. Oh, les invités, le buzz. Ah, ouais, ça, il a raison, Nico. C'est ça, hein. Un bon buzz. Ah ouais, moi je pense à Internet, hein, je me dis, ça peut être cool pour nous. Ah ouais, on va filmer, ce serait cool. On se débrouille pour qu'ils s'engueulent pendant l'émission. Vous aimez Big Flo et Oli, ils seront là tout à l'heure avec nous à partir de 8h30. On vous emmène avec nous en vacances, les amis. Avant la fin de l'émission, on va vous envoyer. C'est pas vous envoyer, en fait, vous emmener avec nous, puisque pendant la dernière semaine d'émission, comme chaque année, on l'a fait à la plage, on l'a fait au soleil cette dernière semaine d'émission et en public avec vous. Et on vous emmène. Si vous voulez gagner une semaine de vacances, vous allez sur notre page Facebook, facebook.com/manu dans le 6-9, vous vous inscrivez et c'est peut-être vous qu'on appellera tout à l'heure pour vous annoncer qu'on vous offre, pour vous et trois de vos amis, une semaine de vacances avec nous, la semaine du 25 juin. Vous vous inscrivez sur Facebook. C'est la classe. Fou, quoi. C'est la folie. Dans une résidence avec piscine, la plage est à 300 mètres. Le rêve. Qu'est-ce que tu veux de plus? Bah, rien. Le seul problème, c'est que ce serait une semaine avec nous. Ah, oui. Ça, c'est le désolé. À la radio, vous pouvez nous éteindre. Pas en vacances. On va s'écouter le dernier Dead Jew. Ça arrive pour vous dans deux minutes. Mais avant ça, vous savez quoi? Pour démarrer la journée. Eh bien, nous allons apprendre un nouveau mot. Ah, cool. On le fait de temps en temps dans l'émission. Quoi de mieux que de démarrer la journée avec un petit peu d'apprentissage. Le mot que je vais vous apprendre aujourd'hui est le mot mirliflore. C'est un nom masculin. On dit un mirliflore. Oui. Ah ouais. Qu'est-ce qu'un mirliflore? D'après vous, un mirliflore, Nico? Ça ressemble à un super sécateur, là. C'est pour couper les fleurs et tout. En mode, avec le mirliflore 2000, coupez n'importe quelle branche de votre jardin. C'est pas con. Mirliflore. C'est pas con, mais ce n'est pas une marque. Ah ouais? Je suis désolé. Ce n'est pas ça. D'après vous, qu'est-ce qu'un mirliflore, Paulette? C'est une petite libellule qui apparaît que l'été, dans les champs de maïs. Ah, tu t'es donné là. C'est, oui, c'est précis. Elle est trop mignonne, c'est un petit mirliflore comme non, ça. Non, elle n'existe pas. Non, je suis désolé, ce n'est pas une petite libellule. Mais qu'est-ce qu'un mirliflore, Glandu? Moi, je pense que c'est un type de végétal qui se tourne vers le soleil. Ça vient du latin mirus. Et ça se sent que en fait, tu inventes chaque mot l'un après l'autre. Pas du tout. On va essayer de former une phrase qui voudra dire quelque chose. Pas du tout, mirus, qui veut dire astre céleste en latin. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, il parle, t'as l'impression qu'il marche dans le noir. Il sait pas où il va avec le pied. Oui, mais alors, comme vous en êtes aperçu, c'est quand même beaucoup cogné. Hein. Oui, pas du tout. Alors, ce n'est pas une fleur qui vient de mirlus, l'arbre céleste, ou je sais pas trop mirus, quoi. Pardon. Qu'est-ce qu'un mirliflore, Laure? C'est une herbe aromatique. Ça ressemble un peu à la ciboulette et c'est très utilisé dans la cuisine d'avant pour faire des soupes. Arrête. C'est déjà trop long. À petite herbe, t'es déjà perdu. Ouais. Eh bien non, et je vais vous apprendre ce matin ce qu'est un mirliflore. C'est un terme familier. C'est un jeune homme qui fait l'agréable, le merveilleux. Voilà. Ah oui? Un mirliflore. Non, Glandu, tu n'es pas un mirliflore. Si, je suis un mirliflore. C'est dans le dictionnaire. Contraire, ouais. Glandu. D'accord, ils l'ont mis. Allez, 6h07, dans 3 minutes, les amis. Comme chaque matin, les concours du jour. Des gens improbables qui font des choses improbables. C'est juste après le nouveau Dadju, c'est Django. Bon réveil sur Énergie. Je veux que tu portes mon nom de famille, mais ça prend du temps. J'ai même parlé de notre avenir à tes parents, mais ils m'ont dit d'attendre. J'ai fait tout ce que ton père m'a dit, mais il est jamais content. Et s'il décide d'être l'ennemi de notre amour, il sera forcé d'entendre. Quand je briserai les chaînes comme Django, Django. Je briserai les chaînes comme Django, Django. Yeah. Il veut nous éloigner, donc il sort toutes sortes de foutaises. Et quand je lui demande quel genre d'homme il te faut, il me dit comme toi, mais pas toi. Laisse-moi le calmer, il faut que son cœur s'apaise. Laisse-moi lui montrer qu'il a tort de penser qu'un autre t'aimera bien plus que moi. Il veut que tu te maries, que tu fondes une famille avec n'importe quel autre homme que moi. Il me voit comme celui qui vient lui voler sa fille pour te retenir, il abuse de ses droits. Je veux bien être gentil, papa, mais même toi tu peux pas nous bloquer. Donc on va parler d'homme à homme, car c'est ma vie là et tu m'empêches d'avancer. Je veux que tu portes mon nom de famille, mais ça prend du temps. J'ai même parlé de notre avenir à tes parents, mais ils m'ont dit d'attendre. J'ai fait tout ce que ton père m'a dit, mais il est jamais content. Et s'il décide d'être l'ennemi de notre amour, il sera forcé d'entendre. Quand je briserai les chaînes comme Django, Django. Je briserai les chaînes comme Django, Django. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir dans son cœur une place? J'ai fait l'impossible pour que ce soit possible. Il me voit comme un bon à rien, mais dis-lui que je suis bon dans tout ce que je fais. Dans ma vie, je sais où je vais. Contre ses choix, je refuse, je m'impose. C'est toi mon choix et pas une autre. Laisse-le croire qu'on poncera droit dans un mur. Change pas d'avis de nous, je suis sûr. Dis à ta mère, je prendrai soin de toi avec ou sans son accord. L'affaire, je lâcherai pas, je compte pas t'abandonner. Sache que je veux que tu portes mon nom de famille, mais ça prend du temps. J'ai parlé de notre avenir à tes parents, mais ils m'ont dit d'attendre. J'ai fait tout ce que ton père m'a dit, mais il est jamais content. Et s'il décide d'être l'ennemi de notre amour, il sera forcé d'entendre. Quand bienvenue sur Énergie. Il est 6h10, on va écouter le nouveau Chiran. Baby, you look happier. Oui, on sait être câlin et tendre. Oh, c'est bien. Et Chiran, ça arrive pour vous dans 3 minutes. Et avant ça, voici comme chaque matin pour vous, les concours du jour. Des gens improbables qui font des choses improbables. Et on se dit, il y a bien pire que nous dans le monde et on est bien content de que ce soit pas nous, en fait. Ouais. On démarre en France, dans le Gard. Un homme a été arrêté après plusieurs cambriolages. Mmh. La raison pour laquelle il a été arrêté, c'est que dans une des maisons, en fait, pour ne pas faire de bruit, il a enlevé ses chaussures. Ouais. Mais il est reparti en ne remettant qu'une seule chaussure. Pourquoi ? On ne sait pas, mais du coup il a laissé une chaussure dans la maison. Oh. Bah, du coup les propriétaires en arrivant ont vu que ça avait été cambriolé. Ouais. Ils ont vu la chaussure, ils l'ont amené à la police. Ouais. Bah, et comme forcément dans une chaussure il y a les empreintes de pied, ouais, ils ont retrouvé le mec. Et du coup il a pu retrouver lui sa chaussure, quoi. Alors on ne sait pas. Ah, cendrillon des cambrioleurs. Ça reste quand même un cendrillon merdique. Hein. Ouais, c'est ça. Dans l'Oregon, c'est un état des États-Unis, un homme vole une voiture et commence à partir. La police le poursuit à haute vitesse. Oh. Et les policiers finissent par l'attraper. Mmh. Et quand ils l'attrapent, ils lui demandent « Mais qu'est-ce qui vous a pris, monsieur ?» Et le mec, en fait, il dit « Je pensais que je jouais au jeu GTA. » Oh là là. Le jeu où tu joues en fait un cambrioleur, un brigand, un méchant qui vole des voitures. Ouais. Non. Et il a quand même rajouté après, j'ai pris de la drogue. Ceci expliquant cela. Ouais. Dernier concours du jour, au Canada, un homme menace de révéler une faille de sécurité dans le site web d'une entreprise de commerce électronique. Ouais. Et il leur dit, en échange de mon silence, je veux des milliers de dollars, une Porsche et deux iPhone X. Ah ouais, quand même. Les gens commencent un peu à flipper, mais ils lui disent d'accord. Et là, le mec leur donne pour la livraison son adresse complète. Mais non, c'est pas vrai. Si. Oh là là. Et donc l'entreprise m'a appelé la police, qui est venue non pas le livrer, mais le remettre là où il fallait qu'il soit, c'est-à-dire en prison. C'est trop simple, quoi, comme enquête, ça. C'est clair. Tu vois, c'est t'es presque déçu de ton boulot. Ouais, c'est ça. Allez. Ça fera pas un épisode des experts. Ah bah non. 6h12, les concours du jour, c'est tous les matins pour vous et on se dit qu'il y a bien pire que nous dans le monde. On revient dans 3 minutes avec le nouvel Chiran. Manu dans le 6-9. Tous les matins sur Énergie. Take a seat, right over there, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me close. I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Oh, take a step back for a minute into the kitchen, floors are wet and taps are still running, dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. You, I can't lie. Énergie. Bonjour, c'est Claudia Tagbo. Tous les matins, j'écoute Manu dans le 6-9 sur Énergie. Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9 sur Énergie. C'est son anniversaire aujourd'hui à Claudia Tagbo. Elle a 45 ans. Ah. Elle est rigolote. Ouais, ouais. Drôle. Et ce qui est marrant, c'est que quand je dis elle est rigolote Claudia Tagbo, en plus dans la mesure où c'est son boulot, elle, c'est pas vexant de lui dire. Oui, c'est vrai. C'est... Tu dis, non mais c'est vrai Paulette, t'es un premier rendez-vous, un homme te dit t'es rigolote, c'est un peu vexant quoi. Ah oui oui, je m'en vais. Elle c'est son boulot, voilà, c'est pas vexant. C'est l'anniversaire aussi de Donald Trump. Ah ouais, lui super. En revanche, si on lui dit qu'il est rigolo, un, il se vexe, deux, il nous insulte sur Twitter, ouais, trois, il remet ses cheveux en place. Ça n'a rien à voir, il met tout le temps ses cheveux en place. 6h16 les amis, dans 3 minutes, attention. 50 nuances de gris. Ah ouais. Oui, oui, oui. C'est l'une d'entre vous un jour qui nous a dit, en nous appelant au téléphone, bon, je joue un jeu qui s'appelle 50 nuances de gris. Ouais. On a dit, mais c'est quoi? Et elle nous a dit, je pose 3 questions à 2 copines, un petit peu olé olé, et tout le monde y répond. On s'est dit, oh, on le fait ensemble. Ouais. 0870-42-48, vous nous appelez maintenant, et juste après Ed Sheeran, eh ben, on joue à 50 nuances de gris. Ouais. Paulette, Laure est l'une d'entre vous. Ouais. Vous allez vous poser des questions entre vous et nous, ah ouais. On regarde. Only a month we've been apart. You look happier. So you walk inside a bar. He said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as white as ours. Yeah, you look happier. You do. Friends told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile and hide the truth. That I know I was happier with you. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Sat in the corner of the room. Everything's reminding me of you. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier. Bienvenue sur Énergie, il est 6h19, on va s'écouter le nouveau Maître Gims, ça arrive pour vous dans 3 minutes, mais avant ça, 50 nuances de gris sur Énergie. Ah. Ah. Aurélie, bonjour. Bonjour Manu, bonjour toute l'équipe. Salut. Hello. Salut. Bienvenue sur Énergie, c'est un petit moment qu'on fait de temps en temps dans l'émission que j'adore. Parce que j'aime bien vous écouter et juste me poser et voilà, y apprendre des choses. Le principe est très simple. Aurélie est là, elle va poser 3 questions auxquelles elle aussi va répondre. À Paulette et Laure, c'est votre moment. Un moment entre femmes, un moment 50 nuances de gris, un moment trop cool pour nous les hommes parce qu'on regarde. Aurélie, tu as préparé 3 questions? C'est ça. C'est Ce ça, sont des questions un peu intimes. Si vous ne voulez pas répondre, évidemment, eh ben vous n'avez pas le droit. C'est votre moment entre vous, Aurélie. Oui. Pose ta première question. Alors, quelle est la zone la plus érogène chez toi? Chez moi? Non, chez les filles. Oh! Ah oui. Paulette? Ouais, mais moi c'est les hanches. Je me dis, un mec qui arrive à attraper des hanches avec force et vigueur, je trouve que c'est trop cool. Waouh, trop cool. Ah ouais. Le mot trop cool, c'est pas le mot que j'aurais utilisé pour une zone érogène. Oh, c'est trop cool. Mais nous sommes là pour apprendre. Ah ouais. Laure. Moi, c'est mes épaules. Mais ça m'a valu quelques moments un peu gênants chez le kiné d'ailleurs, parce que bah du coup, je suis hyper hyper sensible des épaules quoi. Mais non. Oh, ouais. Oh là, génial. T'imagines Laure dans un déménagement, elle met un carton sur les épaules, fait. Là, ils font un contact humain. Et Aurélie, toi? Alors moi, c'est plus classique. Hein. C'est le lobe de l'oreille avec le bout de la langue. Oh, ça me fait frissonner. Mmh. Aurélie, les gens nous écoutent. Les gens nous écoutent. 50 nuances de gris. Deuxième question intime entre vous. Pas mal. Alors, si ton mec doit te chuchoter une phrase pour t'exciter, ce serait quoi? Oh, wow, ouais, alors. T'es à moi. T'es à moi. Ouais, je trouve ça ultra viril pendant l'acte. Il te dit t'es à moi. Ouais. Oh, ah ouais, c'est un kiné qui te mâche les épaules en disant t'es à moi, du coup. Je suis foutu. Non, t'appelles la police là. Quelle est la phrase qu'on peut vous chuchoter et qui va vous donner des petits frissons, Paulette? Ah, moi, ce serait t'es belle pendant l'acte. Parce qu'après, je me sens hyper en confiance et là, je me lâche. Ah, ouais. Mais avant, non. Avant, il te dit non, là, c'est pas terrible. Avant, je suis moins en folle. Et après, oh, t'es, ouais, bon. Ouais, t'es pas mal. Et toi, Aurélie, c'est quoi la phrase? Moi, c'est chérie, on le fait à trois. Cette phrase, elle a deux sens. Entre les décomptes et les plans à plusieurs, j'aime bien les deux quand même. Hein. Mais non. Ah oui, t'es open, toi. Ah, le décompte, ah, on le fait à trois. Un, deux, trois. Bah non, c'est ça. Ah, ouais, c'est rigolo, mais tu devrais faire du 100 mètres, hein, toi. Hein, en fait. Ça fatigue, c'est pas pareil. Aurélie, troisième question intime. Alors là, les filles, un mec a-t-il déjà atteint ton point G? Ah, le fameux. Laure. Oui, mon chéri actuel. Dès la première fois, je pense que c'est une question d'anatomie. Il a l'anatomie parfaite, en fait. Ah ouais. Et t'as demandé à ta sœur s'il avait réussi aussi ou pas? Je ne répondrai pas à cette question. Parce que je rappelle que le mec de Laure, c'est l'ex de sa sœur. Ah ouais, mais t'es dur. On parle pas de ça. Mais je sais pas, bah, entre sœurs, on peut parler de choses. Non, on parle pas de ça, mais je sais par lui que non, elle ne l'a pas atteint avec lui. Ah d'accord. Donc il était fait pour moi. T'en parles pas, mais tu poses la question quand même. D'accord. Laure. Alors, moi, je me demandais si c'était pas un mythe en fait. Donc. Le point G. Ah ouais. Ah oui. Et bienvenue chez les hommes. Hein. Mm-hmm. Ah ouais. Nous aussi, on se demande. Non, mais je préfère cette réponse. Moi. C'est très bien, Paulette. Si tu veux, j'ai un point P à côté de chez moi. Je sais pas si. Je sais pas si ça compte tu ou pas. Tu l'as fait ou pas? Paulette, dans quelque chose d'un peu classe, un peu sexy. Peut-être avec ton point P et tes points. Oh, tu me laisses tranquille, ouais. J'essaie d'être gentil. Aurélie et toi, est-ce que quelqu'un a atteint ton point G? Oui, un. Et du coup, c'est mon mari et je souhaite à toutes les femmes de vivre ça une fois dans sa vie avec cet homme-là. Ah ouais, vraiment. Wow. Et avec cet homme-là, avec ton mari, tu veux dire? Bah du coup. Le prétendu pour elle, hein. Le mien, je le garde. Hein. Faut le garder. Ça se trouve, il n'y en a que deux sur Terre et on les a ce matin. Hein. Et tant mieux pour nous. Ouais, exactement. Faites-vous plaisir. Je peux pas dire mieux que ça. On t'embrasse, Aurélie. Merci d'avoir été avec merci, nous. Merci, à vous aussi. Bisous. Gros bisous. Ah, c'est Calvin Harris, One Kiss. Ça arrive pour vous dans 5 minutes sur Énergie. C'est Manu dans le 6-9. Ah, ouais, il fait chaud, hein. Je vais mettre un peu d'eau sur le visage. A tout de suite. Manu dans le 6-9. Retrouvez-nous aussi sur l'appli Manu dans le 6-9. Énergie. Venez dans les studios d'Énergie. À la rencontre de Camila Cabello. Salut, c'est Emery. Camila Cabello sera avec moi dans mon studio le 19 juin. Dans le Rico Show à 20h sur Énergie, je vous offre vos invitations pour assister à l'interview et le transport ainsi que l'hôtel. C'est pas ouf ça? Le Rico Show, ce soir 20h sur Énergie. J'aime les plages désertes, me retrouver seul face à l'immensité de l'océan. Et partir en jet ski à fond dans les vagues. Alors les dauphins, on fait la course? Jusqu'au 18 juillet chez Chris, pour l'achat d'une paire de solaires d'un montant minimum de 60€, Chris vous offre la deuxième. Classique ou sportive, vous trouverez forcément les lunettes de soleil qui vont de pair avec vos envies. Chris, vous allez vous aimer.

Salut Manu, bonjour à tous. Le temps pour ce jeudi, plutôt calme partout. C'est déjà une très bonne nouvelle. On a du soleil, un ciel assez dégagé sur la majorité du pays. Les nuages et pluies tout de même au menu sur un axe Pays de Loire, Hauts-de-France. Bonne nouvelle, le week-end sera franchement très agréable selon les dernières prévisions. Les températures remontent un petit peu. Cet après-midi, il fera 20 degrés au Mans, 22 à Dijon, 26 pour Cavalaire. Et toujours ces gros soucis pour des milliers de sinistrés dans la moitié ouest. 12 départements restent en alerte orange inondation vers la Normandie, mais aussi dans le sud des Landes aux Pyrénées, en passant par le Tarn-et-Garonne. De nombreux cours d'eau sont encore trop hauts et il a fallu évacuer pas mal de monde hier. Un rêve pour les fans de foot, plusieurs matchs par jour pendant un mois, des émissions de débrief dans tous les sens. La Coupe du Monde débute aujourd'hui avec la cérémonie d'ouverture suivie du premier match. La Russie, le pays hôte, affronte l'Arabie Saoudite à 17h. Et parmi les 32 équipes en compétition, il y a la France, bien sûr, qui fait figure d'outsider. Robert Pires, le champion 1998, est convaincu que Griezmann, Mbappé, Pogba et les autres bleus soulèveront le trophée à l'arrivée. On l'espère et c'est ce qu'on souhaite. On n'a qu'une étoile sur le maillot, donc ce serait bien que d'ici un peu plus d'un mois, il y en ait une deuxième qui vienne se mettre sur le maillot de l'équipe de France. J'y crois. Sur le plan offensif, ça va vite. Il y a toujours des joueurs qui peuvent créer quelque chose, déstabiliser n'importe quel joueur, n'importe quelle défense. On est percutant, on a de la vitesse, on a des buteurs, donc c'est vraiment notre point fort. Et le point faible, je veux dire que c'est l'aspect défensif. Je ne parle pas que des quatre défenseurs. Je crois que c'est un bloc qui doit défendre ensemble. Maintenant, à Didier de rectifier ça et de trouver surtout le bon équilibre. Ouais, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, interview signé Morgan Barthélémy. Rendez-vous dès 16h30 donc pour suivre la cérémonie d'ouverture avec un live de Robbie Williams. Juste après, la Russie ouvrira le bal face à l'Arabie Saoudite. Les Bleus joueront samedi contre l'Australie. Hôpitaux cherchent donneurs désespérément. Journée mondiale des donneurs de sang. Ce jeudi, les stocks sont au plus bas comme d'habitude et les vacances d'été ne devraient rien arranger. Tout le monde ou presque peut faire un geste. Il faut avoir 18 ans et répondre à quelques questions. Ça ne prend que quelques minutes pour sauver des vies et aider les malades. Toutes les infos sur dondusang.net. Fin de la grève à la SNCF ce matin. Reprise du mouvement dès samedi soir. Les cheminots sont invités à participer aussi à la journée interprofessionnelle de mobilisation. Journée organisée le 28 juin pour la défense des étudiants, des chômeurs, des travailleurs et des retraités. Plusieurs associations lycéennes ont signé l'appel. Colin Farrell, Michael Keaton, Eva Green. Casting 5 étoiles pour le nouveau projet de Tim Burton. Le réalisateur travaille sur une nouvelle version live-action de Dumbo. L'histoire de cet éléphant aux grandes oreilles bien connu de Disney. La première bande-annonce à dispo depuis hier. Sortie prévue en mars 2019. 6h32, fin de ce flash. Bon réveil avec Manu dans 6-9 sur NRJ. Bonne journée. Il est 6h33, soyez les bienvenus sur NRJ. On est jeudi, c'est le 14 juin. Dans 2 heures, Big Flo et Oli, s'ils sont réveillés, seront avec nous. Ah ouais, ouais. Trop bien, youpi. Ça c'est une bonne nouvelle. Ah ouais, ah ouais, carrément. Trop cool. Le premier truc à faire, c'est qui est Big Flo, qui est Oli. Oui, c'est vrai. Ils ont ce point commun avec les frères Bogdanov. Oui, mais ils ne se ressemblent pas du tout, donc ils sont identifiables. Pas évident. Eux, t'es content quand t'es en soirée qu'ils ont le petit gobelet avec le prénom dessus. Quoi. Ouais, exactement. C'est très cool. Ou en conférence avec le badge. Ouais. Ah ouais. Comment tu les reconnais, toi, alors? Enfin, une fois que j'aurai identifié qui est qui. Voilà. Non, mais parce que je ne sais pas qui est qui aujourd'hui, je trouve qu'ils ne se ressemblent pas. Bah oui. D'accord. Donc, ils seront identifiables. Une fois que quelqu'un aura levé la main en disant je suis Big Flo. Voilà. D'accord, on est d'accord, donc t'es comme nous, très bien. Le temps moyen de vie de cette chose est de 5 jours. Oh. De quoi il s'agit? Les amis, la réponse dans les sondages du matin, ça va arriver dans 5 minutes, juste après Calvin Harris. Avant ça, on va s'écouter quelques messages que vous nous envoyez sur l'application. L'application de l'émission, c'est l'application Manu dans le 6-9 qui est téléchargeable et gratuitement, évidemment, pour vos smartphones et vos tablettes. Vous pouvez écouter tous les podcasts de l'émission, vous pouvez jouer, il y a des beaux cadeaux à gagner chaque jour. Il y a aujourd'hui à gagner un pack PS4 Pro. Plus une Xbox One S, plus une télé LED. Ouais, wow. Ah, c'est un énorme cadeau. Ça rigole. Ah, c'est génial. Et c'est gratuit pour tenter de gagner ces beaux cadeaux. Faut télécharger notre application. Et elle vous permet aussi de laisser des messages vocaux. On va en écouter quelques-uns. Allez. Coucou les Wawin. En fait, ce que je voulais savoir, si j'ai un accent quand je parle français ou pas. Parce que quand je monte ton, selon moi, je n'ai pas d'accent. Mais tout le monde me dit que j'ai un accent. Donc, est-ce que j'ai un accent, oui ou non? Écoute, honnêtement, un petit peu, Christina Cordula. Mais un bel accent, c'est charmant. Ouais, c'est joli. Un autre message. Hey Manu, victoire. Je viens de jeter mon quignot de pomme dans la poubelle sans me lever. Bravo. Ah ouais. c'est les mini-victoires. Ah, c'est ouais. Il était assis ou allongé, il a jeté son quinon de pomme, c'est arrivé dans la poubelle. Tain, c'est fort ça. Ouais, bravo, panier à 3 points. Tain, ça, ouais. Tu rêves que tout le monde te regarde. Ouais, c'est ça. Quand t'es au bureau et que tu fais ça, tu te retournes, putain, s'il y a personne, tu dis, hey, les gars, il vient de se passer un truc là. Alors, vu la façon qu'il a de parler, il est pas ouais. au bureau. Hein. Ouais, j'espère pour lui. Ouais. Alors, écoutez quand même. Hey, Manu, victoire. Je viens de jeter mon quinon de pomme dans la poubelle. Sans me lever. Si le mec il sort d'une opération chirurgicale, courage aux blessés. Ouais. C'est pas l'employé du mois quoi. Non. La Coupe du Monde c'est ce soir, ça démarre en Russie. Écoutez ce message. Bonjour Manu, je m'appelle Timur et je vous écoute de Moscou et j'adore votre radio. C'est cool. Génial. Et ben grâce à l'application Allez dans le 6-9, vous pouvez nous écouter un peu partout dans le monde. Comment? Grâce à un truc qui s'appelle Internet. Incroyable. Wow. Vous verrez, vous en entendrez parler. Pas mal. 6h35, n'hésitez pas à nous envoyer des messages vocaux, c'est sur l'application Manu dans le 6-9. Dans 3 minutes, c'est les sondages du matin, juste après Calvin Harris et Dua Lipa. Il est 6h36, c'est Manu dans le 6-9, c'est énergie. Sur Énergie, il est 6h38. À 7h05, on va vous doubler votre salaire. Vous pouvez vous inscrire sur énergie.fr, manudansle69.com ou sur l'application manudansle69. Et tous les matins, 7h05 et 8h05, on double votre salaire. Ça peut vous arriver, vous aussi. Eh ouais, ouais. Il suffit de vous inscrire. On va écouter Slimane dans 2 minutes. Et avant ça, comme chaque jour, voici les sondages du matin. Yes. 60% des hommes avouent que c'est la chose qui pourrait leur arriver qui leur fait le plus peur. 60% des hommes. D'après vous, c'est quoi? Honneur aux hommes. Nico. Une panne sexuelle? Une panne sexuelle, non. Ouais, ça peut arriver. Hein. Ah, ça, je mais... le confirme. Ah ouais? Oups. C'est un pote qui t'en a parlé. Oui, un pote, un cousin. Ouais. Le nombre de gens qui m'en ont parlé, c'est incroyable. C'est fou. Mais c'est pas ça. Okay. Dordu. Elle précoce? Être précoce. Ah non, c'est pas sexuel. Ah, c'est pas sexuel du tout. Non, c'est pas sexuel. C'est pas sexuel, mais ça peut être devenir stérile? Non, rien à voir avec le sexe. C'est quelqu'un qui te fait quelque chose ou ça t'arrive sur ton corps? Tout seul, ça t'arrive sur ton corps. Oh. C'est quelque chose qui t'arrive sur ton corps. Ah. Porter des lunettes, moins voir? Non, c'est pas, ça fait pas peur. Bah peut-être, oui, d'avoir des grosses lunettes, tu vois. des triples... Foyer. Non, c'est pas ça. Laure? Perdre ses cheveux. Perdre ses cheveux, c'est la bonne réponse. Ah, tous les mecs avec qui j'ai été ont cette phobie. 60% des hommes avouent que c'est la chose qui pourrait leur arriver, qui leur fait le plus peur. Bah ouais. Perdre leurs cheveux. Ouais, c'est vrai. Fou quand même. Après, sinon, tu fais comme le genre de foot, tu rases tout, quoi. Ah ouais, vaut mieux. Tu l'air classe un peu. Écoute, je me demande ce que ça ferait, moi, d'être. Je faisais chauve sur le dessus, là, avec comme des cheveux sur le côté. Ah non, c'est pas joli. Oh, ça fait clown. Ah ouais. Il y avait une application pour ça, là, sur iPhone. Oh. Où tu te prends en photo et tu peux être chauve et ça, tu peux voir ce avec que ça les fait. Cheveux sur le côté. Ouais, je vais la télécharger, on va la tester. Alors, si tu la récupères, on le fait, on le teste et on vous met des photos sur la page Facebook. Et avec les filles aussi, il n'y a pas de raison. Non, pourquoi ? Si, si. Si, si. On le fait tous. Ah ouais, le clown. Super. On retrouve et si tu retrouves pas l'appli, on le fait en vrai. Bien sûr. 9 fois sur 10, on les jette sans s'en être servi. D'après vous, de quoi il s'agit ? C'est la nourriture ou pas ? C'est pas la nourriture. Ah, c'est pas la nourriture ? Les baguettes chinoises ? Les baguettes chinoises, non. 9 fois sur 10, on les jette sans s'en être servi. C'est dans la salle de bain ? C'est pas dans la salle de bain. Les sauces. Ça peut être dans la salle de bain. Mais ça n'a pas de place réelle, ça n'a pas d'endroit vraiment réel. Bah, tu viens de répondre à ma question, c'est pas. Non. Alors, j'allais dire les sauces de McDo, mais non, ça marche pas. Les vis, c'est les dernières vis Ikea là, sur les meubles. Alors non, mais ça peut avoir un rapport avec Ikea. Ah, 9 fois sur 10, on va le jeter sans s'en être servi. Les cartons, les emballages des produits ? Non, mais alors on n'est pas loin, je vais vous dire la réponse. Ouais. 9 fois sur 10, on le jette sans s'en être servi, le mode d'emploi. Ah ouais, bah chez Ikea, il faut mieux s'en servir. Hein. Ah, sinon ton truc il s'effondre. Ah, d'accord. Bah, même avec le mode d'emploi, ça s'effondre. Ouais, c'est sa durée de vie est en moyenne de 5 jours. De quoi il s'agit ? Sa durée de vie est en moyenne de 5 jours. Paulette. C'est quelque chose qui est dans la maison ? Oui, c'est dans la maison, mais il y en a aussi hors de la maison. Il y en a ici, à l'énergie, il y en a. Il y en a d'accord. plein. Oh, il y en a plein. C'est pas vivant. Non, ouais. c'est pas vivant. Non, c'est pas vivant. J'ai eu peur. Sa durée de vie est en moyenne de 5 jours. Un employé d'énergie. Un gobelet en plastique ? Non. Un stylo ? Non plus. Sa durée de vie est en moyenne de 5 jours. C'est un truc que tu utilises en soirée avec des amis, un truc. Alors non, tu l'utilises pas en soirée avec des amis. Ah ouais ? Tu l'utilises seul, chez les amis, tu peux. Oui. Ouais. Mais seul. C'est très rare de l'utiliser avec des gens. C'est même bizarre d'ailleurs de l'utiliser. C'est même jamais. Ça n'arrive jamais. C'est pas possible. C'est quelque chose que tout le monde utilise tous les jours. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Le papier toilette ? Bonne réponse. Ouais. Ah, ouais. Effectivement, avec des potes en soirée, c'est. C'est rare en soirée de se dire tiens, si on utilisait du PQ. Ouais, non. Et voilà. Et bien en moyenne, un rouleau de PQ dure 5 jours. Ça, si tu veux faire une momie, par exemple, pour t'amuser avec tes amis. Ah, ça, c'est rigolo. C'est je vous rappelle qu'elle est toujours célibataire. T'es méchant. Et que ceci explique cela. Mais je t'aime, Paulette. Je sais. 6h42. Les sondages du matin reviennent demain, évidemment, à la même heure. Slimane, tout de suite, pour vous. Soyez les bienvenus. On est avec vous, c'est Manu dans le 6-9. Bon réveil. Ils pourront tout nous enlever. Ils pourront bien essayer de nous monter l'un contre l'autre, à contresens pour qu'on se vautre. Ils pourront nous raconter qu'on a eu tort, qu'on s'est trompé. Ils pourront pointer du doigt, pointer l'amour coupable de quoi. Viens, on s'aime. Viens, on s'aime. Parler du ciel, dire que notre histoire n'est pas belle. Prier pour qu'on abandonne, qu'il y ait une nouvelle donne. Ils pourront bien nous avoir, le temps d'un doute, le temps d'un soir. Mais après la peine et les cris, sèche les larmes qui font la pluie. Viens on s'aime. Viens on s'aime. Viens, on s'aime. Soyez les bienvenus sur NRJ, il est 6h45. On va s'écouter Drake, Rossil Dania, Yana Kamura pour vous. Et j'ai une question à vous poser. Oui. Oui. Est-ce que vous avez déjà prêté quelque chose qu'on vous a jamais rendu? Vous pouvez nous appeler au 0870 42 48. Je vous pose la question parce que ça m'est arrivé à l'envers hier. Oui. Ouais. Je reçois un SMS d'un pote que j'ai pas vu depuis longtemps qui me dit « T'as toujours ma perceuse ». Ah ouais ? Et il m'avait prêté une perceuse en fait, mais il y a 5 ans. Et tu sais plus où tu l'as mise ? Ah bah si, je l'ai toujours chez tu moi. L'as. Bon, ça mais, va. Mais en fait, au bout d'un moment, quand on te prête quelque chose et que tu l'as chez toi, tu considères que c'est à toi. Ah oui, c'est vrai. C'est pas faux. J'ai presque failli répondre, tu m'as jamais prêté de perceuse. Non mais tellement, je m'étais habitué à elle. Voilà. Ouais, oui. Exactement. Mmh. Je m'étais habitué, c'était ma perceuse. Ah ouais. Et du coup, il va falloir que je le retrouve, que j'aille lui rendre sa perceuse 5 ans après, comme le mec est tenace. Hein. Ouais. Quand même. D'où ma question. Mmh. Est-ce que vous avez déjà prêté quelque chose qu'on vous l'a jamais rendu, ou alors on vous a prêté quelque chose et vous l'avez jamais rendu? 0870 42 48, vous pouvez nous appeler. Paulette? Mon iPod, je l'ai prêté à mon neveu et il ne me l'a jamais rendu. Et à chaque fois que je passe chez ma sœur, je lui dis « Est-ce que tu peux me rendre mon iPod ?» Il me dit « Oui, oui, je te le rends tout à l'heure. » Oui, mais un iPod, plus personne ne se sert d'un iPod. C'est, c'est un nano et tout, il est trop bien. C'est un iPod nano. Ouais. Bah oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Plus personne se sert d'un iPod. Ah bah ouais, lui, il s'en sert, il me dit que c'est vintage, c'est sympa et tout. Ah ouais, d'accord, c'est vintage, mais il n'y a même plus les prises pour mettre des choses dedans. Hein, c'est... Ah si, il a plein de morceaux dedans, lui. Oui, les Spice Girls, enfin des trucs comme ça. De l'époque de l'iPod, quoi. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez prêté et qu'on vous a jamais rendu, ou qu'est-ce qu'on vous a prêté que vous avez jamais rendu? Glandu? Moi, un appareil à raclette. Un appareil à raclette? Ouais, non, enfin, plus précisément, on m'a rendu l'appareil, mais sans les poêlons. Donc ça sert plus à rien du coup. Donc t'attends maintenant que quelqu'un te rende les poêlons? Ouais, il a toujours les poêlons. En fait, il m'a rendu l'appareil et du coup c'était à la fin de la saison et je l'ai pas ouvert avant l'hiver d'après. Et l'hiver d'après, j'avais déménagé, j'avais fini mes études et on n'était plus en contact. Et plus qu'est-ce poêlon. Que je remarque? Plus de poêlons. Oh, dur. Ah, ah, très dur, très très dur. Mais je ne sais pas si ça s'achète sans raclette, les poêlons. Et bah du coup, j'ai pas trouvé moi. Oh, dur. Ah, ouais. Ah, ça c'est vraiment un énorme problème. C'est très dur du coup. Ah, bah, je vois, t'es désolé. Ouais, t'es à deux doigts de chialer. Je suis défait là. On a Mélinda avec nous au téléphone. Bonjour Mélinda. Salut Manu, salut l'équipe. Bienvenue sur NRJ, Mélinda. On t'écoute. Qu'est-ce que tu as prêté et qu'on t'a jamais rendu? Eh bien moi, j'ai prêté un CD de Jennifer à une amie, mais en fait, j'ai appris récemment qu'elle avait déménagé à l'étranger. Un CD de Jennifer. Ouais. Mince. Et vraiment ça fait assez longtemps. Mais ça te perturbe à ce point-là, un CD? Ah mais j'étais fan. Et là, je me suis dit, ça serait bien de la réécouter un petit peu, et puis bah voilà. Ouais. Oui, mais enfin, tu sais que maintenant, tu peux réécouter sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, tout ça. Mais Linda, je vais pas te décevoir, mais elle l'a peut-être jeté, ce CD. Elle l'a peut-être plus, quoi. Ou elle s'en sert peut-être sur un arbre pour faire fuir les oiseaux. Ou alors, tu sais quoi, le CD Jennifer, il a été enregistré sur un iPod, et c'est le petit cousin de Paulette. Merci de nous avoir appelé, Mélinda. Nico? Moi, je suis dégoûté, j'ai paumé un tournevis, moi. Je l'avais prêté à un pote. Mais la Rolls du tournevis, un Facom. Je connais la marque. Bah, évidemment. Facom, c'est les méga marques. Ah, quand t'as un minimum bricolo, tu sais que le Facom, c'est une valeur sûre, quoi. Et alors, tu l'as prêté, il te l'a jamais rendu? Le problème, c'est que je sais plus à qui je l'ai prêté. C'était il y a longtemps, j'ai une grosse bande de potes, quoi, et je sais pas du coup qui l'a. C'est qu'un tournevis. Ah non, c'est vrai. Un Facom. Oui, enfin, ça, c'est pas ta femme, je veux dire. Oui. Et là, tu fais, non, c'est un Facom. Marine, bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue sur NRJ, Marine. Qu'est-ce que tu as prêté qu'on t'a jamais rendu? Alors moi, j'ai prêté une tondeuse pour la pelouse à une copine, il y a de ça 6 mois. Mmh. Et en fait, toujours pas de tondeuse en vue, et ça fait 6 mois que j'ai plus de nouvelles. Mais non. Oh merde. Ça va être une jalousie, ouais, toi. Elle ne donne plus une signe de vie, donc je vais aller dans un magasin de bricolage et puis on va voir pour autre chose. Ah non, mais là ça coûte cher, là, une tondeuse. Bah oui, non, tu fais des plans devant chez elle, tu t'arrêtes devant chez elle et dès qu'elle tond, tu lui sautes dessus, quoi. Oh, le feu d'hiver nul. Tu récupères, quoi. Oh, là, mais, on est à 30 minutes l'une de l'autre. Hein. Non, une tondeuse. Là, mais là, on parle d'un gros truc. Ah oui, mais surtout, ça doit être une jungle chez toi maintenant. Il faut. Enfin, c'est long. Oui, mais je pense que tu as tondu depuis, quand même. Oui, on a tondu depuis, on s'est démerdé, on a trouvé quelqu'un d'autre. Mais moi, je l'ai rendu. Je l'ai emprunté, mais je l'ai rendu. Quelle histoire. Et ça, c'est quoi, après, ça finit chez Julien Courbet, cette histoire? Eh oui, c'est clair. Je le connais, je vais te donner son portable. Oui. Marine, merci de nous avoir appelé. On te souhaite une belle journée. Ouais, vous aussi, bonne journée. Gros bisous, 6h50 sur NRJ. On va s'écouter Drake, et attention, dans un quart d'heure, on double de salaire pour la première fois de la matinée, c'est à 7h05. Bon réveil. Yeah.

Salut Manu, bonjour à tous. Une belle journée en vue sur les trois quarts du pays. Du soleil au menu pour la majorité des régions. Un temps assez calme, en tout cas pour tout le monde. De gros nuages et un peu de pluie, c'est vrai, sur un axe Pays de Loire-Hauts-de-France, en passant par la Normandie. La fin de semaine s'annonce correcte avec un week-end agréable. En principe, les températures cet après-midi, 19 degrés à Périgueux, 20 à Metz, 26 pour Fréjus. La météo toujours avec 12 départements en alerte aux orages, tous dans la moitié ouest, des crues en cours sur la Normandie notamment, mais aussi dans le sud. Ça concerne les Pyrénées-Atlantiques jusqu'au Tarn-et-Garonne, en passant par les Landes et la Haute-Garonne. Des habitants ont dû être évacués hier. La Russie, capitale internationale du foot pendant un mois. La Coupe du Monde commence aujourd'hui à Moscou avec la cérémonie d'ouverture suivie du premier match à 17h. Le pays hôte, la Russie, affronte donc l'Arabie Saoudite. Rendez-vous samedi pour les Bleus. Ils débuteront face à l'Australie avec le statut d'outsider. Concernant le Mondial 2022, cette fois, le vote d'attribution avait lieu hier et les États-Unis, le Canada et le Mexique ont été choisis pour organiser conjointement la compétition dans 8 ans. Dans l'actu également, les syndicats unis contre la politique du gouvernement. Une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle est organisée le 28 juin, un jeudi. Un seul mot d'ordre, la défense des travailleurs, des chômeurs, des étudiants ou encore des retraités. Présence de plusieurs organisations lycéennes mais aussi des cheminots. D'ailleurs, le 15e épisode de la grève de la SNCF s'achève ce matin, reprise dès samedi soir. Ça fait froid dans le dos, selon le baromètre AXA Prévention dévoilé aujourd'hui. Les jeunes conducteurs de deux roues restent parfois complètement inconscients. Il y a une explosion des comportements à risque cette année, comme les selfies ou encore la consommation de cannabis et des textos au guidon entre 14 et 17 ans. Plus généralement, les utilisateurs de scooters de tous âges ou de motos dépassent les vitesses autorisées en ville notamment. Seul point positif, il y en a bien un, ils sont beaucoup mieux équipés en cas de chute. Une promesse de campagne, Emmanuel Macron a présenté hier ses nouvelles mesures sur la santé. On parle gros sous avec les lunettes par exemple. D'ici 2021, les opticiens devront présenter un certain nombre de modèles remboursés à 100%. Pour les prothèses dentaires, ce sera un petit peu le même système avec plusieurs choix possibles, dont certains totalement pris en charge par l'assurance maladie et les mutuelles. Ariana Grande sur tous les fronts. La chanteuse et actrice performe aussi dans le monde de la mode et des produits de beauté. Elle s'apprête à sortir un nouveau parfum à seulement 24 ans. Le précédent avait quand même rapporté plus de 150 millions de dollars. La chanteuse en tout cas vient de teaser sur ses réseaux sociaux. Et puis on termine au ciné avec le carton de Jurassic World. Déjà 1 400 000 spectateurs en France pour sa première semaine en salle. C'est une très belle performance. Autre film énergie populaire, Deadpool 2 qui a franchi les 2 millions en un mois. 7h02, c'est la fin de ce flash. Jeudi 14 juin, bon réveil avec Manu dans le 6-9 sur NRJ. Bonne journée. Il est 7h03 comme chaque journée avec vous pour démarrer cette journée. C'est le 14 juin aujourd'hui, c'est le début de la Coupe du Monde. On est content. Bonjour Johnny. On va doubler votre salaire, c'est dans 2 minutes. C'est peut-être vous qu'on va appeler en direct si vous vous êtes inscrit sur energie.fr, Manu dans le 69.com ou sur l'application Manu dans le 69. Il y a Sean Paul qui arrive, on va écouter aussi le nouveau Aya Nakamura. Ouais. Aujourd'hui, c'est le 14 juin, il y a deux journées mondiales importantes. Ouais. Aujourd'hui, premièrement, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. C'est hyper important. C'est important de donner son sang. Oui. J'ai donné mon sang, je suis tombé dans les pommes, mais on m'a donné du poulet à manger. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est un donné pour un rendu. Ouais. C'est important. La deuxième journée mondiale, c'est la journée nationale contre les maladies orphelines. C'est des maladies qui sont compliquées à soigner parce que, par exemple, pour certaines, il y a moins de 100 personnes qui sont atteintes de cette maladie. Ouais. Très important. Par exemple, le Téléthon, ça sert à ça. Ouais, c'est bien. Glandu ? Mais c'est le métier de ma maman qui était venue dans l'émission. Elle fait ça, elle travaille pour les maladies orphelines pour trouver des médicaments. Et ben voilà. Donc il y a double cause. Il y a une personne dans la famille de Glandu qui fait un truc intéressant. Oui, c'est vrai. Je m'en rends compte maintenant. C'est dur. Mais alors, moi, j'avais rencontré une association qui s'appelle Association Alliance Maladies Rares, parce que j'avais fait le Téléthon une fois. Ouais. Et ils font une marche pendant le Téléthon qui s'appelle la marche des maladies rares. Et c'est que des gens qui ont des maladies que personne ne connaît, et le Téléthon les aide. Et c'est pareil, c'est des maladies orphelines que t'as 10 personnes qui l'ont. Il y en avait une, on m'avait raconté, la nana portait le nom de sa maladie parce qu'il y avait qu'elle qui l'avait. C'est classe. C'est quand même un truc à ton nom, quoi. Honnête, si tu lui demandes, elle va te dire, on change. Hein. Crois-moi. Je préfère avoir un sandwich McDo à mon nom, quoi. Voilà, par exemple. C'est vrai. Ouais. Entre les deux, quoi. Vraiment, dans ta famille, il y a vraiment deux destins. Je me demande si t'es vraiment le fils de ta mère. Un petit test ADN. Ça ferait pas de mal. Allez, 7h05, on double de salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Énergie.fr, Manu dans le 6-9.com ou l'application Manu dans le 6-9 pour vous inscrire. C'est gratuit, ça prend quelques secondes. Et Lucie, elle l'a fait. Elle habite Bobigny et elle touche chaque mois 764 euros. C'est pas assez. Lucie, on t'appelle maintenant pour te doubler ton salaire. Attention. Allô ? Allô, Lucie ? Oui ? Lucie de Bobigny en Seine-Saint-Denis ? C'est ça. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire ? C'est Manu sur Énergie ! Mais oui. Lucie, tu t'es inscrite, peut-être t'y croyais pas, c'est ça ? Non, pas du tout. Eh ben, t'as bien eu raison de t'inscrire, même si t'y croyais pas, parce que oui, ça n'arrive pas qu'aux autres, Lucie. La preuve aujourd'hui, je vais doubler ton salaire. 764 euros x 2, 1528 euros pour toi. C'est ça, trop bien. Lucie, alors écoutez bien le métier. Ouais. Lucie est plumassière. Oula, voilà. Je sais. Alors Lucie, je te l'annonce, je pense que là je parle pour tout le monde. Tu es notre première plumassière. Ouais. C'est ah ben super. Mais c'est quoi une plumassière? En fait notre rôle c'est de couper des plumes et les coller sur des vêtements pour des grandes marques de luxe. Wow. Des vêtements, ils vont utiliser les plumes. Mais vous êtes gentil avec les animaux? Oui, c'est les plumes de mue en fait qui tombent et qu'on utilise. Genre par exemple il y a un dindon, il mue, par exemple l'été arrive, il a trop chaud, il fait tomber ses plumes, vous les récupérez. C'est ça. Ah, c'est la seconde vie de la plume. Exactement. C'est tout ça, c'est quand elle atteint sa maturité, on la récupère. D'accord. Ouais. Et Lucie, c'est quoi l'animal qui a les meilleures plumes? Pour moi, c'est le paon. Le paon, c'est magnifique. Ah, il fait la roue. Ouais. Ah ouais, quand il fait la roue avec toutes ses plumes, parce que imagine le paon, il a plus de plumes, il fait la roue. Oui, du coup, oui. T'imagines, c'est dur. Putain, comme nous, on perd nos cheveux, il perd ses plumes. Oh là là. Les gens doivent se moquer de lui. Bernard, tu perds tes plumes. Oh, ça va, deux secondes. Dur. Et t'as déjà créé une tenue pour une star? Ouais, pour Julianne Moore. Wow. Oh la classe. Et c'était les plumes de quoi pour elle? D'autruche. Ah ouais, c'est beau ça. Non, chacun. Ouais, c'est moins classe à dire quoi. Oui, mais c'est hyper beau. Oui, mais c'est pas. C'est-à-dire que tu dis pas c'est de l'autruche, tu dis c'est du pan. Hein. Oui. Lucie, on double ton salaire. 1528 euros, ça arrive très vite pour toi. Merci beaucoup. Gros bisous, Lucie. Merci à tous, bisous. Et tu vois, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut vous arriver à vous aussi. Il suffit de vous inscrire. Vous allez sur énergie.fr, manudans69.com ou l'application manudans69. 7h08, Aya Nakamura, le nouveau, tout de suite. Et juste après, le bac démarre lundi. J'ai des perles du bac. Ah, c'est cool. Ouais. Des phrases que des gens qui passent le bac ont vraiment mis dans des copies. Ils n'ont pas eu les meilleures notes, hein, je vous rassure. Hello papi, mais qui bazar? J'entends des bails à trois sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça? Le monde est hyper. Tu croyais quoi? Qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja, non. En cas de chanel, baby, tu dettes ça. Yeah. Oh, dja, dja. Yeah. Tu passes à 4 ans, dja, dja, non. Yeah. Y'a pas moyen, dja, dja, ouais. En cas de chanel, baby, tu dettes ça. Dans mes bras. En cas de chanel, baby, tu dettes ça. En cas de chanel, baby. En cas de chanel, baby, tu dettes ça. En cas de chanel, baby. Oh, dja, dja. Bon réveil sur Énergie, il est 7h10. On va s'écouter Sean Paul, ça arrive dans 3 minutes. Le bac démarre lundi. J'ai des perles du bac. Ouais, ah ouais, cool. C'est la période, comme chaque année, on se régale avec ça. C'est une liste de phrases qui ont été vraiment mises dans des copies du bac. Ouais. Mmh. La plupart des fonctionnaires sont inutiles en France et coûtent trop cher, sauf peut-être les professeurs de lycée qui font un travail vraiment incroyable et qui ne sont pas assez payés. Le lèche-vase. Il a tenté. Le mec, bah, il a tenté. Et une autre phrase de Perle du Bac. L'ensemble de ce paragraphe peut sembler incompréhensible, mais en cherchant bien, il y a des choses qui méritent une bonne note. Ah. Ouais. Il a tenté aussi. Ouais. Un autre. Ce texte est très intéressant, mais il ne m'intéresse pas. Ah, bah ouais, voilà. C'est honnête, ouais. Ça expliquera certainement le zéro. Ouais, c'est ça. Une autre. Le Sahara est avant tout un immense bac à sable. C'est drôle. Ceci dit, c'est pas faux. Vu comme ça. Bah, chacun a sa vision. Ouais. Une autre. Je ne peux pas traiter cette question puisqu'il s'agit d'une thématique que je n'ai pas suivie en classe. Merci de votre compréhension. L'honnêteté, quoi. Ouais. J'étais pas là, j'étais parti en vacances avec mes parents, comprenez. C'est ça. Cette question peut sembler facile au premier abord, mais comme rien n'est facile en philosophie, nous allons la compliquer afin de pouvoir faire une dissertation sur plusieurs copies doubles. C'est hyper drôle. C'est un bon résumé. Mais c'est vrai qu'au bac en philo, tu te dis plus j'en mets, mieux ce ouais, sera. C'est ça. Ouais. En conclusion, il semblerait pertinent de finir cette dissertation sur une citation de la légendaire Ygritte, personnage de Game of Thrones. Mm. You know nothing, Jon Snow. Tu ne sais rien, Jon Snow. Ah ouais. Oui. C'est pas mal. C'est osé hein, de citer quelqu'un de Game of Thrones. Ah, c'est osé de citer une série. Ouais. Ouais. Je pense qu'au bac, ils doivent avoir de plus en plus de citations comme ça, de Star Wars, de Games of Thrones. Bah, c'est sûr. Écoute, je sais pas si ça marche. Non. Une petite dernière. Peut-on seulement être heureux d'être dans une salle de classe pendant 4 heures alors que la Coupe du Monde a déjà commencé? Je vous le demande. Faut tomber sur quelqu'un qui corrige et qui est fan de foot, quoi. C'est génial. Allez, 7h12, on revient tout de suite. Avec le dernier Sean Paul. Et attention, le retour de Georges, les amis, dans 3 minutes. L'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. Imaginez, vous êtes tranquille, vous êtes chez vous, le téléphone sonne et quelqu'un vous fait ça. Quelqu'un a pensé que vous devriez le savoir, vous parlez trop. En gros, quelqu'un vous dit ta gueule. C'est ça. Ça se passe dans 3 minutes sur Énergie. Manu dans le 6-9. Manu. 6h, 9h30. Les ouin ouin. Sur Énergie. Running like a dog, fighting like a bitch too much, and you just can't stand it, baby. Even when I fall, you don't seem to give two shits, cause you're just too cool, baby. We could have it all, neither one of us would budge, cause we can't be wrong, baby. Folding up your arms, closing up your heart. Is me, cause I want it all. Now I know, I know, I know. You see that we gotta talk. Now you know we must believe or fall apart. ship's going down tonight, but it's always dark as before the light, and that's enough. C'est Pierre Ménès. On peut me déranger pendant un match de foot, j'ai l'habitude, mais jamais quand j'écoute tranquillement Manu dans le 6-9 sur Énergie. Jamais. Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Et début de la Coupe du Monde ce soir, les amis, avec Russie, Arabie Saoudite. Ouais. Tu te dis comme ça, c'est pas un match de foot, mais c'est la Coupe du Monde. Mais oui, c'est vrai. Et toi, ça permet aussi de tester comment ta place sur le canapé. En condition, quoi. Ouais, où tu mets la pizza, où tu mets la bière, tout ça, c'est important. Ouais. C'est important. Ouais. Pendant que eux, ils courent, ils en bavent, et que toi, tu leur gueules dessus avec ta bière à la main. Normal. 7h16, on va écouter Sean Paul, mais avant ça, voici le retour de Georges. Manu dans le 6-9, l'appel automatique de Georges. Georges est notre nouveau meilleur ami. Il s'agit de l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France, qui appelle des gens, par exemple, au hasard, pour leur dire que vous parlez trop, il faut vous taire. C'est pas très gentil, c'est embarrassant, et ça donne ça. Oui, allô ? Bonjour, ceci est un message automatique. Bonjour. Quelqu'un a pensé que vous devriez le savoir, vous parlez trop. Pourquoi vous êtes qui, vous ? Vous avez eu mon téléphone comment ? Vous êtes une pipelette ? Un moulin à parole. Et vous êtes qui ? Après le bip, nous allons jouer au roi du silence. Mais moi, je vous connais pas, donc j'ai pas envie de jouer avec vous. Perdu. Essayez de ne plus rien dire. Je parle pas trop. Encore perdu. Qui vous dit de quoi que ce soit que je parle de trop ? Ne dites plus rien. Ah, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Perdu. L'appel automatique de Georges. Manu dans le 6-9. Très très bon. Génial. Georges, la voix la plus embarrassante de France. L'intelligence artificielle, parfois la plus insupportable. Ouais. 7h17. Évidemment, Georges revient demain à la même heure. On va s'écouter Sean Paul tout de suite. Et juste après, enfant ou bourré, telle est la question que vous allez nous poser. Racontez-nous une histoire qui vous est arrivée. Et à nous de deviner si, lorsque ça vous est arrivé, vous étiez enfant ou vous étiez bourré. Ouais. Le problème, c'est que très souvent, voire tout le temps, on se trompe. Ouais, c'est vrai. C'est juste après Sean Paul sur LRG. Some of that, love you know your booty pop when the beat drop. For me, my baby, where your teeth is a rap. Love the energy where your fingers don't rock. Queen, girl, you're peppering, you ever look hot. Every queen, girl, you know, so you never yet flop. I know I see, but me want for your talk. My eye, the punch, she precise and exact. Good Lord, girl, it's going so hard. Girl, it likes up the best when I'm spreading it to a part. You know how we swing. Jiggle up your body, jiggle up your sing sing. Unquestionable, you are running sing thing. Open and back together, but you ever look hot. I'm the queen, but you know that I never yet flop. Are you ready for your night of bluffing? With the stamina king, me hear your body calling. Good Lord, girl, it's going so hard. réveil sur Énergie, il est 7h21. On va écouter le dernier Ariana Grande. Ça arrive pour vous avant, après les infos de 7h30. Et tout de suite, une seule question. Bourré ou enfant? Vous nous racontez une histoire en nous appelant au 0870 42 48. Et à nous de deviner si quand ça vous est arrivé, bah, vous étiez simplement enfant ou alors vous aviez un peu trop bu. Mélanie, bonjour. Bonjour Annie, bonjour l'équipe. Hello. Bienvenue sur Énergie, Mélanie, on écoute ton histoire. Alors moi, le truc, c'est que lors d'un mariage, j'ai renversé un plat en sauce sur le marié et il n'avait pas de change, le pauvre. Allez. Attends, t'as renversé un plat en sauce sur le marié et du coup, il n'avait pas d'autre costume pour se changer. Oh. Non, du tout. Donc il a fini toute la soirée avec le costume en sauce. Oh là là là. C'est ça. Oh là là. Le plus, tu veux dire que t'as gâché le plus beau jour de la vie d'un homme? Non. Bah si, ça va. Ah. Bourré ou enfant? Moi je. Oh. Les deux sont tellement possibles. Ouais. Mais j'ai envie de dire bourré parce que enfant, tu prends pas le plat en sauce. Bah oui, c'est ça. Tu le portes pas. Ouais, mais tu peux marcher genre sur une nappe ou un truc comme ça. Parce que bourré, tu te fais sortir direct. Hein. Enfant, ça peut passer quoi. Non, un plat en sauce, c'est très lourd. Hein. Un enfant porte pas ça. Moi, on va dire bourré, Mélanie. Ouais. Gagné. Gagné pour toi, mais perdu pour le mec quand même. J'espère que c'était à la fin du mariage, vers 4h du matin, pas à 19h. C'était à 4h du matin et c'était lors de mon mariage et c'était mon mari. Oh mais non! Aïe! Oh là ah ouais. là! C'est pourquoi? Parce que tu regrettais déjà? Non, pas du tout! Le pauvre! Merci de nous avoir appelé, Mélanie. Belle journée à toi! Mathieu, bonjour! Ouais, bonjour Manu, salut l'équipe! On écoute ton histoire et à nous de deviner si quand ça t'est arrivé, t'étais bourré ou alors t'étais simplement enfant. Ça marche. Donc moi, je me suis endormi 30 minutes au rayon papier toilette et sopalin dans un supermarché. Alors, bourré ou enfant? Improbable. Les deux sont tellement possibles. Parce qu'un enfant s'endort partout et un mec bourré aussi. Ouais. C'est compliqué. Oui, mais qu'est-ce que t'aurais été faire bourré au supermarché? Je dirais enfant. Oh bah, qu'est-ce que tu fais bourré n'importe où hein? Ouais. Je dirais enfant. Paulette? Oui, moi je le vois bien, enfant se lover comme ça dans le papier toilette. Ouais. Ouais. C'est vrai, bien sûr, tout le monde le fait. Mathieu, allez, on va dire enfant. Ouais. Eh ben non, j'étais bourré. Aïe. Mais comment c'est possible? Comment c'est arrivé? Mais en fait, après un barbecue, le midi, tu vois, on s'est dit, oh merde, il nous manquait quelque chose. Donc du coup, on a été au supermarché, en gros, prendre des provisions, quoi. Et ben, un peu coup de barre, et j'ai dit, tiens, je vais faire une petite blague aux amis, et je vais me cacher derrière le rayon, c'est papier toilette et sopalin, c'est des palettes. Hein. Et là, tu t'endors. Et en fin de compte, j'ai dû cligner des yeux, ouais, et voilà. Pourtant, la blague était très drôle, hein, de se cacher au milieu du PQ. C'est toujours ce truc-là, quand t'as un peu trop bu, tu trouves que t'as une idée géniale, mais qui en fait est une idée de totale merde. Merci de nous avoir appelé, Mathieu. Belle journée merci à toi. À vous. Ciao. Merci. Myriam, bonjour. Coucou Manu. Raconte-nous ce qui t'est arrivé, à nous de deviner si t'étais bourré ou si t'étais enfant. Bah moi, j'ai dit à mon père, droit dans les yeux, je ne supporte plus ta mauvaise haleine. À votre avis, bourré ou enfant? Alors je vais dire enfant parce que même bourré, dire ça à ton père, c'est. Surtout bourré devant son père, enfin c'est. Tout est bizarre dans ton histoire. Ouais. Moi je dirais enfant, Paulette. Surtout quand t'es bourré, en général, c'est toi qui as mauvaise haleine. Ouais, quoi, c'est donc, ça. C'est vrai aussi. Ouais, bourré, ta propre haleine prend le dessus, quoi, sur celle de l'autre. Ou alors, Myriam était tellement bourrée qu'elle croyait que c'était la haine de son père. Et elle a rajouté, papa, t'es vraiment moche quand tu bois. On va dire bourré, Myriam. Eh ben non, c'était enfant. Mais ton papa avait vraiment un problème d'haleine? Ah ouais, et puis tu vois, je m'en souviens encore parce qu'en plus, il m'avait puni pendant une semaine. Oh, tu es pas très gentil tu lui as simplement dit la vérité. Bah oui, puis au fond, t'essayais de l'aider, quoi, pour qu'il communique avec les gens. Après, ça dépend. Mais il a même suivi mon conseil, hein, d'ailleurs, Manu, puisque après, tu vois, je le voyais avec un petit chewing-gum dans la bouche, donc je pense qu'il a fini quand même par. T'en rendre un peu compte. Je ne connais pas ton père, mais après, il y a plus simple que prendre un chewing-gum, c'est de brosser les dents. Bah, il le faisait, mais écoute, je t'assure, quand il parlait vraiment près. Oula, oui. Le pauvre papa. J'aime bien les dîners de Noël. Qui se met à côté de papa? Non, là, je. Non. Je veux bien lui offrir un cadeau, mais là, non, même le sapin, regarde, il est mort, là. Oh non. On t'embrasse, Myriam, merci de nous avoir appelé. Gros bisous à toute l'équipe. Gros bisous à toi, 7h25, n'hésitez pas à venir avec nous. Notre numéro de téléphone, je vous le rappelle, c'est le 0870 42 48. Et on vous rappelle que l'alcool est à consommer avec modération. Ouais. C'est important de le rappeler de temps en temps parce qu'on a tendance à l'oublier. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des conneries. Ouais. On s'endort dans les rouleaux de PQ. On revient tout de suite sur Énergie, il est 7h25. Manu dans le 6-9. Manu sur Énergie. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie.

Ça vous dit de profiter des bons coups, Monsieur Bricolage ? Merci, mais j'attends des invités, là. Mais justement, la planche à gaz inventive de feu est à seulement 159 euros. 159 euros ? Ça tombe bien, parce que mes amis, ils ont un bon coup de fourchette. Les bons coups, Monsieur Bricolage, c'est maintenant dans votre magasin. N'attendez pas pour en profiter. Monsieur Bricolage, faites-le vous-même, mais pas tout seul. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 7h31 et juste après les infos, les amis, on va vous appeler en direct si vous vous êtes inscrit sur notre page Facebook pour gagner une semaine de vacances avec nous. Ça va être la semaine du 25 juin, notre dernière semaine, comme chaque année. On la passe au soleil, à la plage. On sera au Gros du Roi, l'émission sera en public. Vous pourrez venir nous voir et on vous emmène avec nous. Vous voulez gagner une semaine de vacances pour vous et trois de vos amis? Eh bien, c'est sur notre page Facebook que ça se passe. C'est peut-être vous qu'on appelle dans deux minutes. L'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Le temps ce jeudi plutôt calme partout, c'est déjà une bonne nouvelle. On a du soleil, un ciel assez dégagé sur la majorité du pays. Des nuages, de la pluie tout de même au menu sur un axe Pays de Loire ou de France. Le week-end sera franchement agréable selon les dernières prévisions. Les températures remontent un tout petit peu. Cet après-midi, il fera 20 degrés au Mans, 22 à Dijon, comptez jusqu'à 26 pour Cavalaire. Toujours des soucis pour des milliers de sinistrés, principalement dans la moitié ouest. On a 12 départements encore en alerte ce matin. Alerte inondation, ça se passe du côté de la Normandie, mais aussi dans le sud, pour les Landes, les Pyrénées ou en passant par le Tarn-et-Garonne. Pas mal de cours d'eau sont encore trop hauts et il a donc fallu évacuer pas mal de monde hier. La planète foot va vibrer pendant plus d'un mois. C'est aujourd'hui que débute la Coupe du Monde 2018 en Russie avec la cérémonie d'ouverture dès 16h30. Robbie Williams montera sur scène avant le coup d'envoi du premier match entre le pays hôte et l'Arabie Saoudite. Pour les Bleus, il faudra attendre samedi pour leur grand début face à l'Australie. Des joueurs qui n'ont pas totalement convaincu pendant la préparation, mais peu importe. Du côté de Zinedine Zidane, le mondial va véritablement révéler notre équipe de France, notamment les plus jeunes talents. Pour moi, il n'y a pas jeunesse. L'important, c'est d'avoir du talent. D'avoir du talent. Et dans cette équipe, je sais qu'il y en a. Et après, il faut le mettre au service du collectif. La Coupe du Monde va transcender ces joueurs. Et vous avez parlé des matchs qui ont été peut-être mitigés. Et nous, c'était pareil en 98. Mais on s'en fiche un peu de ça. De jouer une Coupe du Monde, de toute façon, ça ressemble à rien de ce que vous avez fait avant. Et même pour beaucoup de joueurs qui jouent des gros matchs, qui jouent des matchs de Coupe d'Europe, qui jouent des matchs importants, ça vaut pas la Coupe du Monde. Voilà, Zizou au micro de Morgan Barthélémy. Rendez-vous samedi midi pour le premier match de l'équipe de France face à l'Australie. Jeudi 14 juin, journée mondiale des donneurs de sang. Un bon moyen de rappeler quelques petites vérités. Chaque année, les hôpitaux doivent reconstituer des stocks pour faire face aux vacances d'été. Tout le monde ou presque peut faire un geste. Ça ne prend que quelques minutes. Il suffit d'être majeur et de répondre à un questionnaire. Les infos sur dondesang.net. Fin de la grève à la SNCF aujourd'hui. On a la reprise du mouvement qui est déjà prévue pour samedi soir. Ça arrive vite. En tout cas, les cheminots vont participer à la journée interprofessionnelle de mobilisation prévue le jeudi 28 juin. Ce sera pour la défense des étudiants, des chômeurs, des travailleurs ou encore des retraités. Plusieurs associations étudiantes et lycéennes ont signé cet appel. Allez, on termine au cinéma avec un casting 5 étoiles, celui du prochain film de Tim Burton. Colin Farrell, Michael Keaton ou encore Eva Green ont été castés donc pour intégrer le film. Le réalisateur travaille en fait sur une nouvelle version live action de Dumbo. C'est l'histoire de cet éléphant aux grandes oreilles, très bien connu chez Disney. La première bande-annonce est disponible depuis hier. La sortie est prévue en mars 2019. Fin de ce flash, bon réveil, bonne journée sur Énergie. Comme chaque matin pour démarrer cette journée, pour créer ensemble cette journée. Nous sommes aujourd'hui le 14 juin. Bonjour jeudi ! Bonjour jeudi ! Attention, avant 8h, on va vous appeler pour vous offrir une semaine de vacances. Yes. Ouais. Vous vous inscrivez sur notre page Facebook, facebook.com/manu69. Il y a un post qui est épinglé tout en haut de la page. Ouais. C'est très simple, il suffit de mettre en commentaire que vous voulez venir avec nous au Gros du Roi pendant une semaine. Mmh. On vous tire au sort et on vous appelle. Avant 8h, c'est peut-être vous qu'on va appeler. Une semaine de vacances dans une résidence avec piscine. Wow. La plage à 300 mètres. Ah ouais. J'ai checké la météo. Alors ? Du beau temps, du beau temps, du beau temps, du beau temps. Ouais. Ouais. Du 30 degrés, les amis. Mais non, oh, ouais. Oh, bikini, allez. Bikini. Reviens avec nous. Ouais. Ah ouais. vous voulez passer une semaine de vacances avec nous et trois de vos amis, parce qu'on vous offre une semaine pour vous et trois de vos amis, et ben vous allez sur notre page Facebook, facebook.com/manudans69. À propos de notre page Facebook, vous pouvez aller voir de magnifiques photos que Nico a posées. Ouais. Elles sont superbes. Tout à l'heure, je vous ai donné ce sondage qui disait qu'en fait, c'est la, pour 60% des hommes, c'est la pire peur que les hommes aient. Que, donc, voilà, je suis fatigué. C'est ce que craignent le plus les hommes en fait. Non, c'est plus simple. 60% des hommes ont peur de devenir chauves. Merci. Voilà. Il y a des fois, je me lance dans des phrases, j'arrive pas à les finir. Ouais. 60% des hommes ont peur de devenir chauves. Ouais. Donc on s'est dit, qu'est-ce que ça donnerait si on était chauve? Et Nico a trouvé une application qui nous rend chauves. Oui. Honnêtement, Paulette, non. Ça te va bien. Ah oui. Arrête, oui, tu te fiches de moi, c'est horrible, tu es horrible. Tu rigoles ou quoi? Ouais, c'est pas pire. Hein. Tu dis ça. Essaye, vraiment. Ouais, voilà, c'est ça, tu dis ça pour que j'essaye. Écoutez, c'est très drôle, c'est absurde, mais il y a un côté clown. Ouais, c'est ça, c'est ça, ça c'est bien. Ouais. Ça fait, tout de suite, en fait, c'est si on t'enlève juste le haut du crâne et qu'on te laisse les cheveux sur le côté, tout de suite, on sait qu'on connaît ton métier. Non, surtout, ça fait savant fou, je trouve. Ouais, savant fou clown. Ouais. Ouais. Ariana Grande arrive pour vous dans deux minutes, et juste après, les amis, nous allons jouer au meilleur jeu radio du monde, le jeu des 5 mots. On vous offre aujourd'hui 1 200 €. Yes. C'est offert par Objectif Code. Vous pouvez vous en servir pour passer le code et le permis. C'est pratique. Ouais. Ah bah ouais. 0 870 42 48. On joue ensemble dans 3 minutes sur Énergie, juste après Ariana Grande. We turning it up, yeah. We turning it up. Ain't got no tears in my body. I ran up, but boy, I like it. I like it. I like it. Don't matter how, what, when, who drives it. We out here vibing. We vibing. We vibing. The colors in you, I see them too. And boy, I like them. I like them. I like them. We way too fly to partake in all this hate. We out here vibing. We vibing. We vibing. Come on. Even when it's raining down. Can't stop now. Can't stop, so shut your mouth. Shut your mouth. And if you don't know the night, know it, babe. Know it, babe. Yeah. Bienvenue sur Énergie, 7h40. On va écouter Kenji, ça arrive pour vous. Et on va jouer au jeu des 5 mots, le meilleur jeu radio du monde. Ouais. On a 1 200 € à vous offrir. Yes. Avant ça, attention, j'ai le moment précis de la semaine où un couple a le plus de chances de se disputer. Ah ouais. Oula. Selon une étude britannique qui a été menée sur 3000 personnes, ouais, le moment où on se dispute le plus en couple est le jeudi soir entre 18h et 20h. Ah ouais. Une raison particulière ? Il n'y a pas de raison donnée, mais attention, 3, 2, 1, top ! Dans 12 heures, vous allez vous engueuler. Cool. En vous souhaitant une bonne journée. Léa, bonjour. Bonjour, bonjour Manu, bonjour toute l'équipe. Bienvenue sur Énergie, Léa. Merci. Attention, nous allons jouer ensemble au meilleur jeu radio du monde, c'est le jeu des 5 mots. J'ai pour toi 1 200 € offerts par Objectif Code. Ils sont pour toi, Léa, si jamais tu gagnes au jeu des 5 mots. Attention, pour toi aujourd'hui, je te donne le meilleur. Moi. À partir du moment où j'ai dit ça, je peux plus perdre. Ah ouais, c'est ça. Léa, je vais tout faire pour te faire gagner au jeu des 5 mots. Je te rappelle les règles. Mais je t'en prie. Les règles, elles sont simples. Dans un instant, je vais sortir du studio. Quand je serai dehors, dans le couloir, j'entendrai plus ce qui se passe. Laure va te donner 5 mots. Après chaque mot, tu lui donnes le premier qui te vient à l'esprit. Ensuite, je reviens. Elle fait pareil avec moi. Et dès qu'on a un mot en commun, Léa, c'est gagné, les 1 200 €, ils sont pour toi, ok? Oh, c'est top, en plus on joue ensemble, c'est trop bien. Mais oui, c'est trop bien, Léa. Oh là là, mais on ira boire un verre après. Ah, apparemment, en général, c'est mauvais signe ça dans une soirée quand la fille avec ça. Ouais, c'est bien, non, ouais. Léa, mais non, attention. Oui. Ah, cool. Hey. Ah, bah oui, mais j'ai jamais rien compris au message que vous nous envoyez. Léa, attention, c'est parti. Je sors du studio et dans une minute, 1 200 € pour toi, j'espère. Bonne chance. Allez, ma petite Léa, ça y est, il est sorti. T'es prête? Je suis prête. Allez, c'est parti. Écrasé. Purée. Siège. Assis. Logiciel. Ordinateur. Herbe. Pelouse. Et sable. Mer. Ok, on n'est pas si mal. Ouais. On est plutôt bien. On va faire rentrer Manu. Alors, allez. Attention. Comment ça s'est passé, Léa? Bah écoute, plutôt pas mal. Ok, alors attention, on y va. 5 mots, un seul suffit en commun pour gagner. 1 200 € pour toi. Même pas peur, on y va. Ok. Écrasé. Écrabouillé. Elle avait dit purée. Ah oui. Un purée, ouais, mais si t'es dans la bouffe, ok. Bah alors. Pour moi, purée, on n'écrase pas. Purée, on rajoute de l'eau. Alors que pourtant, on écrase des pommes de terre. Siège. Siège. Fauteuil. Assis. Ouais, bah oui. Allez, on se concentre. Logiciel. Ordinateur. Et voilà. Léa. Ah ouais. Oh, mais c'est cool. Mais oui, c'est cool. Alors, 1 200 € pour toi. Alors, il restait 3 mots. Deux. Oui. Deux mots. Herbe. Herbe. Pelouse. Oui. Oh. Ouais. Dis donc. Mais qu'est-ce qui nous arrive, Léa? Et le dernier mot. Sable. Sable, plage. Presque, mer. Non, Léa, c'est quoi? On est connectés. C'est pas grave, on ira en vacances à la montagne, comme ça, c'est réglé le de plage. Léa, tu repars avec 1 200 €, c'est offert par Objectif Code pour passer ton permis, pour passer ton code ou ce que tu veux. Bravo à toi, Léa. Oui, oh, super, je vous remercie beaucoup, la meilleure radio. Eh ben merci, merci à toi, Léa, d'être là chaque matin avec nous, on t'embrasse fort. 7h43, demain, ça repartira encore 1 200 € pour vous au jeu des 5 mots. On va s'écouter Kenji juste après, on va lire les messages que vous nous laissez sur les réseaux sociaux, et puis on va... Et puis on va écouter aussi les messages vocaux que vous envoyez sur notre application Manu dans le 6-9. C'est Nico du web qui écoute tout et qui les partage avec nous chaque matin. Là aujourd'hui c'est une spéciale, on a 3 coups de gueule, un message vocaux et un mec qui est à bout sur les boulangeries et les baguettes. Il faut qu'on en parle. Il est à bout. Chacun ses batailles. Mais oui. On écoute tout ça juste après Kenji sur Énergie. Il est 7h44, c'est Manu dans le 6-9. Soyez les bienvenus, on est avec vous pour démarrer la journée. Et ça recommence. Je parle d'amour que dans un silence. Mes yeux savourent son galbeuse des hanches. Entre méfiance et ce qu'elle en pense, je prends ses courbes et j'augmente mes chances. Je me demande ce qu'on fera comme folie. Dès comme des torticolis, j'entends toute sa mélodie. On y passera toute la nuit. Et comme toujours, ça recommence. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Maria, Maria, Maria, dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria, dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. C'est exceptionnel. Elle a peur d'avion, mais veut toujours le septième ciel. Dire ce que je ressens, non, ça ne vaut pas la peine. Elle fait de scène 8 jours par semaine. En filature j'ai pris ses sentiments. En miniature j'ai pris des photos d'elle. Je suis le meilleur, elle le fait que son possible. Je dis à tout à l'heure, elle me dit je serai pas là. Dans son corps y'a de quoi faire des ricochets. Qu'il y a plus d'amour, y'a que des états d'âme, d'âme. Je veux que tu meurs de moi, moi. Serre-moi contre toi, toi. Je veux que tu meurs de moi. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Es que María, tú me bailas de locura. La temperatura como la noche está dura. Y toda una aventura, más rica que pura. Mírame María, con tu cuerpo tú me curas. Bienvenue sur Énergie, 7h47. Dans 3 quarts d'heure, ils seront avec nous. Il aurait dû y aller. Big Flo et Oli. Trop bien. Qui est Big Flo? Qui est Oli? Vous voulez la vérité? Ouais. Hier, j'ai regardé des interviews pour savoir exactement qui est Big Flo et qui est Oli. Ah oui, je sais. Je les écoute, j'écoute leur musique, je trouve ça vachement bien ce qu'ils font, mais putain, je sais jamais qui est Big Flo et Oli. Bah, ça y est, et là, je me suis dit, si aujourd'hui je commence, salut Big Flo, ah non, moi c'est Oli, ça y est, j'ai trouvé un truc. C'est vrai? Mais il faut qu'ils arrivent avec le détail que j'ai qui me permet de savoir qui est Oli, qui est Big Flo. Oula. Donc voilà, j'avoue que j'ai une sorte de petite pression ce matin pour savoir qui. Ouais, je sais pas comment on va faire. Le mieux, c'est de leur coller un post-it sur le front. Mais ça risque de les vexer. Oui. Ouais, c'est ça. Mais on les trouve cool. Ouais. C'est Big Flo et Oli qui seront avec nous tout à l'heure à partir de 8h30. Tout de suite, avant d'écouter Marshmello et Anne-Marie, on lit les messages que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux et on écoute les messages vocaux que vous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. C'est Nico du web qui s'occupe de tout ça et qui partage ses bons petits moments avec nous chaque matin. Hier, dans l'émission, on a parlé de la dernière fois où on s'est dit « mais je suis tellement un ouin-ouin ». C'est-à-dire globalement toutes les deux minutes. C'est ça. Bah, visiblement, on n'est pas les seuls parce qu'on a une belle flopée de ouin-ouin sur Facebook. Et ben, ça me fait plaisir. Ouais. Il y a Caroline notamment qui nous dit « je suis partie à la piscine et une fois nue dans les vestiaires, je me suis rendu compte que j'avais pas mon maillot ». Ah c'est con. Ah ouais. Cela dit, c'est mieux de s'en apercevoir dans les vestiaires qu'une fois dans l'eau. C'est ça. Ouais, c'est plus comme ça. Ouais. Il y a Julia aussi qui nous dit j'ai attendu 35 minutes que mon rôti cuise, mais j'avais pas lancé la cuisson. Ah, ah oui, c'est énervant ça. Ouais. Si tu viens pas vérifier qu'au bout d'une heure tu dis ça doit être prêt. Ah, ouais. Ah merde, je l'ai pas allumé. C'est horrible. C'est le problème. C'est con. Après, faut goûter. Peut-être que cru ça passe. Eric aussi il s'est dit que c'était un ouin ouin. Il nous dit je suis rentré chez moi à pied parce qu'il faisait beau. Arrivé chez moi, je me suis souvenu que j'étais venu en voiture le matin. C'est ballot. En ouin-ouin. Ouin-ouin de première catégorie. Tu sais ce que tu fais le lendemain matin. Il y a Fred aussi sur Twitter qui nous dit j'ai chargé la voiture pour partir en vacances et au bout de 400 km, je me suis rendu compte que j'avais zappé la valise de ma femme. Bah, heureusement qu'il a pas zappé sa femme. Mais bon. Ça. Tu sens engueulade quand même dans la voiture ou pas? Ah ouais. Oh là là. Oh. Cela dit, je pense qu'elle était heureuse et qu'elle a dit c'est pas grave, je vais devoir tout me racheter. Et Aurélie aussi, elle s'est dit qu'elle était un petit peu ouin ouin. Elle nous a dit sur Facebook j'ai demandé un Big Mac chez Quick. Oh. Ah, ça ils aiment pas ça. Ouais. Ouais. Tu sais, si tu comprends pas quoi, mais je veux mon Big Mac. Appelez-moi le directeur. C'est ça. Ça fait un peu provocation. Oui. On écoute aussi du coup les messages tous les jours que vous nous envoyez, les messages vocaux que vous nous envoyez sur notre application, Manu en 6-9. Et aujourd'hui, les messages vocaux, coup de gueule. D'abord, un cri du cœur. Au secours, j'en peux plus des bouchons. Au secours, j'en ai marre. on sent qu'elle est dans un bouchon. Je l'avais dit, cri du cœur. On reste du coup dans le domaine de la route maintenant. Coucou Manu, coucou les ouin-ouin. Voilà, moi je voulais passer un petit coup de gueule ce matin parce que j'en ai marre de toujours être derrière les petits vieux qui ont des super voitures et qui n'avancent à rien. Il y en a marre. Alors je suis désolé et je présente mes excuses au nom de mon père. Ah ouais, il est comme ça lui. Mon père il roule sur l'autoroute en seconde. Oh non, c'est dangereux. Et c'est lui qui roule au milieu quoi. Donc tu sais pas du coup. Bah, évidemment, c'est le principe. Il croit que les lignes blanches en fait c'est pour caler le milieu de la voiture. Et un dernier coup de gueule du coup là, c'est celui-là il est très très spécial. Ouais, salut Manu, salut les ouinouins. Ah, le pire dans les boulangeries, c'est le mec qui vient et qui dit je voudrais une baguette bien fraîche. Ah, c'est comme si... Non, faut arrêter les conneries quoi. C'est comme si que le boulanger il se lève à 2h du matin pour faire du pain rassis. Non, une baguette bien fraîche. Non mais et puis il y en a un paquet. Hein. Ah ouais, une baguette bien fraîche. Merci. Une baguette rassis, s'il vous plaît. J'imagine qu'il est boulanger du coup. Je crois. Et que donc il n'aime pas qu'on dise une baguette fraîche. Il en peut plus. Ouais, il est en colère. Chacun ses batailles. Je crois qu'il va prendre la baguette un jour, il va la foutre dans la gueule du gars. Elle est fraîche. N'hésitez pas à nous envoyer des messages vocaux sur notre application Manu dans le 6-9. Elle est gratuite, elle est pour vos smartphones et vos tablettes. 7h51. Marshmello et Anne-Marie sur Énergie. Bon réveil. You say you love me, I say you crazy. We're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking that shit. Only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that made me crazy. Here we go again. Don't go look at me with that look in your eye. You really just friends. So don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going nowhere without a fight. You can be reasoned with them, don't be impolite. I've told you once, two, three, four, five, 6,000 times. Haven't I made it out? Bienvenue sur Énergie, il est 7h54, on va écouter le dernier Ed Sheeran, mais avant ça... La playa. Ouais. Une semaine de vacances, oui. Du 25 au 29 juin, pour notre dernière semaine d'émission, nous serons en direct du Gros du Roi. Ouais. Du soleil, de la plage et d'énormes choses qu'on vous prépare. On va vous en parler la semaine prochaine. Ah ouais. Mais avant d'y être, bah, il faut y aller. Et avec qui? Avec vous. On vous offre une semaine de vacances. Vous vous inscrivez sur notre page Facebook, on vous tire au sort et on vous rappelle en direct. Yes. Attention. Qui va avoir une semaine de vacances avec nous, la semaine du 25 au 29 juin. C'est parti. Allô. Allô, c'est Clémence. Oui, c'est moi. Bienvenue Clémence, c'est Manu de la Radio Énergie, tu sais. Bonjour Manu de la Radio Énergie. Bonjour Clémence. Dis-moi, bonjour, Manu. Je voudrais pas m'incruster, mais j'aimerais bien partir en vacances avec toi et trois de tes amis la semaine du 25 juin. Écoute, je vais réfléchir. Allez, d'accord. Ok. Ouais. Clémence,

on est avec vous. Soyez les bienvenus sur Énergie, 8h04. Dans une demi-heure, ils seront avec nous. Je pourrais sortir le katana. Ah ouais. Big Flo et Oli. Trop bien. Ça, c'était le clip qu'ils avaient fait avec Jean Dujardin pour la sortie de Brice de Nice 3. Ouais, c'est génial. C'était fort, ça. Ah, bah, ils sont forts, de toute façon. Big Flo et Oli. Ils seront avec nous à partir de 8h30. Et ils vont chanter en direct. Ouais, trop bien. Cool. Alors, si j'ai bien compris, on va faire une version acoustique avec Nico. Grave. Ah, je trouve trop bien. Classe. C'est trop cool. À chaque fois, j'essaie de me placer, quoi. C'est trop bien. Mignon. C'est toujours le mec, tu sais, t'as, dans la bande de potes, t'as toujours un qui court derrière. Attendez, moi, je sais faire de la guitare. Nico du Web, version acoustique de quoi vous allez faire? De Papa. Oh cool, ça va être trop bien. Génial. Ouais. Alors là, bravo. Et ouais. Mais t'as appris et tout? Oui, j'ai un petit peu bossé. Oh là, oula. Il reste quoi, une demi-heure là. Ouais. Si vous avez envie de parler à Big Flo et Oli, si vous avez des questions, si vous voulez leur dire ce que vous voulez, eh ben vous pouvez nous appeler dès maintenant au 0870 42 48. On va écouter Ed Sheeran dans deux minutes, mais avant ça, 8h05, on double votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Et il suffit de vous inscrire, évidemment, c'est gratuit. Il n'y a pas de numéro surtaxé, il n'y a pas de SMS surtaxé, c'est totalement gratuit. Vous allez sur energie.fr, il y a aussi manudansle69.com, il y a l'application manudansle69. C'est ce qu'a fait Damien, il habite Aurec-sur-Loire, c'est en Haute-Loire, il a 27 ans et il touche 1590€ chaque mois. Damien, tu t'es inscrit, c'est ton jour de fête. Damien, on t'appelle pour te doubler ton salaire. Attention. Allô? Allô Damien ? Oui. C'est bien Damien de Aurec-sur-Loire, en Haute-Loire ? Oui, c'est bien ça. Alors attention Damien, quel est le seul animateur radio qui double ton salaire ? C'est Manu sur Énergie ! Et voilà. Ça y est Damien, c'est réglé. Oh purée, c'est magnifique. On va doubler ton salaire, 1590€, c'est ce que tu es payé chaque mois, eh ben... Ça, Damien, on le double. Écoute-moi bien, ton salaire va être de 3180€. Oh là là là là là là, c'est magnifique. Oh là, on a l'impression que tu commentes un match de la Coupe du Monde. Ouais. Oh là là là là là. Damien, tu es piscinier. C'est bien ça. Donc j'imagine que c'est que bah, tu t'occupes des piscines. C'est ça, je fais tout ce qui est entretien des piscines, ouais. Mais des piscines municipales ou des piscines chez les gens? Non, des piscines privées, ouais. Ah, tu vas chez les gens qui ont une piscine et c'est toi qui t'occupes pour que la piscine ne devienne pas verte, quoi, en fait, en gros. Voilà, tout à fait, c'est ça. Ok. Et t'es déjà arrivé chez des clients un petit peu bizarres? Alors, qu'est-ce que t'appelles bizarre? Bah, des clients qui t'accueillent d'une certaine manière ou qui ont quelque chose chez eux un peu. Tu veux dire, la question c'est, est-ce que Damien, tu es déjà arrivé dans une maison, les gens sont à poil et te proposent un truc à plusieurs, c'est ça? Dans c'est une piscine. Question, c'est ça ta question? Oui, mais dans une piscine, du coup. Ça, ben, en fait, ouais, ça m'est déjà arrivé, ouais. Ah, pas, mais non. Pas qu'on me propose à plusieurs. Hein. Mais ah. Je suis déjà arrivé chez une cliente où je devais intervenir sur sa piscine et elle est toute nue dans la piscine. Oh, ah. Attends, tu arrives, tu dois intervenir. Elle le sait, t'as rendez-vous, elle est toute nue dans la piscine. Non, en fait c'était sa fille qui était dans la piscine. Elle, la cliente, du coup, elle m'avait appelé pour que je vienne chez elle. Et du coup, j'arrive et sa fille était toute nue dans la piscine en train de se baigner. Wow. Ah, oui. Ah d'accord, elle était détente quoi. Ouais. Elle était détente, bah, elle était chez elle, détente, ouais. Ouais. Très bien, c'est un beau métier que tu fais Damien. Ouais. Glandu, vas-y. Non, j'ai une question assez pointue sur les piscines. Est-ce qu'on peut laisser la même eau plusieurs années dans une piscine? Je me suis posé la question quand je nageais dedans, je me suis dit c'est un peu cracra, ça se trouve c'est avec 5 ans qu'elle est là cette eau. Ah bah oui, mais même plus, hein. En général on les change tous les 10 ans. Elle est nettoyée. Mais non. Oui mais entre temps il met du produit. Hein. Bah oui, elle est nettoyée, du chlore. Quand même, de l'eau de 10 ans. Bah, je suis choqué. Est-ce qu'on n'a pas assez parlé des piscines? C'est bien. Ouais. On va faire des bombes, c'est bien nous. Allez, c'est fini. Damien, on te double ton salaire. 3180€, ça arrive très vite pour toi. Bravo. Merci beaucoup. Merci, c'est énorme. Eh ben, merci à toi d'être là chaque matin avec nous. Ed Sheeran sur Énergie tout de suite. Et juste après, les amis, du rire à gogo à gaga, des roulements de tambour et des sons de trompette. Ouais. C'est le festival des blagues. Woohoo. Walking down 29th and Park. I saw you in another's arms. Only a month we've been apart. You look happier. Saw you walk inside a bar. He said something to make you laugh. So that both your smiles were twice as white as ours. Yeah, you look happier, you do. Ain't nobody hurt you like I hurt you. Ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal, baby, if you're moving on with someone new. Cause baby, you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile. I know I was happier with you. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Sat in the corner of the room. Everything's reminding me of you. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier on you. Je me fais avoir. Il finit au milieu d'une phrase. Ouais. C'est comme s'il avait genre eu un rendez-vous et qu'ils ont enregistré. Mais, eh ben désolé, vous n'aurez jamais la fin de cette chanson. Ouais. Et il se barre. Et Chiran ouais. Sur Énergie. 8h12, on va écouter Maître Gims et Vianney. Mais avant ça. Manu dans le 6-9. Le festival des blagues. Wow. Sur Énergie. C'est parti. Chaque Allez. Jour, le festival des blagues. Une promesse. Du rire à gogo à gaga. Des roulements de tambour et de la trompette. C'est fait pour le roulement de tambour et la trompette. Les blagues à gogo à gaga, c'est parti. On démarre avec une blague de notre enceinte connectée. Quelle syllabe rend les grenouilles intelligentes? Gre. Parce que sinon, elles seraient nouilles. Oui. C'est pas faux. Ça marche. Laure, une blague. Oui, alors c'est un homme très riche qui demande à sa femme ce qui lui ferait plaisir pour le cadeau de Saint-Valentin. Qu'est-ce que tu veux, un bijou? Bof. Un coupé sport? Non. Une résidence secondaire? Non, merci. Allez, dis-moi ce que tu veux directement, ça ira plus vite. Bah, je veux le divorce. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, dit le mari, j'avais pas prévu de dépenser autant. Ah, ouais. Ça marche bien. Ouais. On continue avec une blague de Rémi qui nous l'a envoyée sur l'application Manu dans le 6-9. Pourquoi les pompiers ont des bretelles rouges? Pour tenir leurs pantalons. Ça marche. C'est assez drôle. On termine avec allez, Nicolas Webb. Ouais, je suis chaud. C'est une petite fille qui rentre de l'école et qui demande à son père « Papa, tu connais pas la dernière ?» Alors là, son père, il lui répond « Non. » Et la petite fille, elle dit « Bah, c'est moi. » Elle m'énerve. C'est mignon. Festival des blagues revient demain à la même heure. Manu dans 6-9, le festival des blagues sur Énergie. Il est 8h13, on va revenir tout de suite avec Maître Gims et Vianney. Et puis le jeu de Glandu arrive. Ah, le jeu de Glandu. Évidemment. Le jeu qui permet de nous mettre sur la gueule. Ouais, c'est le but, c'est assumé. Le principe est simple, il nous pose une question à chacun notre tour. La question démarre toujours par, d'après toi, qui dans le studio? Ouais. Et c'est ensuite que ça part en sucette. Ouais, c'est ça. Restez avec nous, ça arrive tout de suite. Manu, Manu, et les Manu dans le 6-9. N-R-J. Et dans 15 minutes, ils seront avec nous, les amis Big Flo et Oli. À tout de suite. Energy. Take a seat. Right over there. Sat on the stairs. Stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull me closer. Why don't you pull me close? Why don't you come?

chérie. La vie c'est des envies, l'envie avant les avis. Sur Énergie, il est 8h20. Dans 10 minutes, ils seront avec nous. Ah yes, Big Flo et Oli. Ouais. Ils vont arriver, si vous voulez leur parler, si vous voulez être avec eux, si vous voulez leur poser des questions, et ben vous pouvez y aller dès maintenant, vous nous appelez au 0870 42 48. Tout de suite, attention, le jeu de Glandu. Yes. On fait ça une fois par semaine, le principe est très simple. Glandu a préparé des questions qu'il va nous poser chacun à notre tour. On doit répondre honnêtement. Le petit truc, c'est que ces questions commencent toutes par: d'après toi, qui dans le studio? Exactement. Et la suite met toujours mal à l'aise. Ouais, c'est les le but. Ouais. Ok, on y va. On commence par Nico. Très bien. Ouais. Nico, d'après toi, qui dans le studio ne fait pas la différence entre un vin de qualité et une piquette? Logiquement, j'aurais dû dire Laure, comme tu bois pas d'alcool. Bah oui, clairement. Elle boit pas d'alcool, mais si je devais parler d'alcoolique. Non, je dirais Paulette, moi. Mais t'es ouf ou quoi? Ouais. Non, on s'entend jamais. C'est-à-dire que quand c'est toi qui as ramené du vin, ouais, chez Laure, ouais, vas-y. Il était pas bon. Bah si, en fait, ah, là, il était. Il est... Non, le vin que je ramène est très bon. C'est juste que toi, s'il n'y a pas écrit Bordeaux dessus, c'est forcément de la merde. Et ben ça me plaît pas. C'est vrai que Paulette, que tu vas pas. Si on est au restaurant, c'est pas toi qui vas choisir le vin. Ah ouais, bah pourquoi en fait? Parce que je m'y connais hyper bien. Hein. Mais non. J'ai tout goûté. Hein. Bah oui, mais attends, c'est pas parce que tu bois tous les alcools que tu les connais. Ouais. Ouais. Je m'y connais bien en vin, franchement. Bon, c'est Nico qui a donné son avis. Oui, partagé par toute l'équipe. Question suivante. Tu vas pouvoir te venger, Paulette. D'après toi, qui dans le studio passe le plus de temps le matin dans la salle de bain? Au départ j'aurais dit Laure parce qu'elle prend des bains le matin. Mais très rapide. Mais ah bon, ben voilà. Mais... Alors, le temps de le faire couler déjà. Ouais, c'est clair. Mais en fait je partirais, et c'est sans aucune rancœur vraiment, sur Nico. Ah ouais. Ouais. Mais oui, parce que Nico, il met du temps à se préparer. Ses cheveux sont toujours extrêmement bien mis. Mais c'est un compliment, c'est finalement. C'est un compliment. C'est vrai que je mets des petites crèmes le matin. Voilà. Sa tenue est toujours très très bien accordée. Ouais. Je pense qu'il se regarde beaucoup. Ah ouais, il arrive. Cet temps, ça brille à la grand-mère. Oui, ça part. C'était cool. Donc on enchaîne. Manu, d'après toi, qui dans le studio se mettrait nu le plus facilement s'il se retrouvait sur une plage naturiste? Alors, sans hésiter, Paulette. Ah ouais, ouais. Mais Manu, j'ai été traumatisée par des parents naturistes. Bah oui, tes parents ils sont naturistes. C'est pas parce que les parents sont naturistes qu'on devient naturiste. On est traumatisée par la vue de ses parents. Ah bon, moi je suis pudique. Hein. Ah bon, alors bah je me suis trompé. Alors c'est peut-être toi Glandu alors. Ah ouais, moi y'a pas de soucis. Hein. Ah bah voilà, tu as la moindre occasion toi. Apparemment Glandu n'a pas été traumatisé. Non, non, pas de soucis. Encore une question. Là on finit par toi. Ouais. D'après toi, qui dans le studio pourrait faire un prout là maintenant, et en plaisanter? Mais non. Oh, la question horrible. Je dirais Glandu, je crois. Ah bon? Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Et attends, elle a pas terminé la phrase. C'est plus décomplexé, quoi. Mais une fois que t'es à poil sur la plage. Horrible. Le jeu de Glandu, c'est toujours un petit bonheur. 8h23 sur Énergie. Imagine Dragons, c'est Next to Me. Soyez les bienvenus, on est jeudi, c'est Manu dans le 6-9. Big Flo et Oli arrivent dans 5 minutes. Ouais, c'est Manu dans le 6-9. Something about the way that you walk into my living room, casually and confident, looking at the mess I am, but still you want me. Stress lines and cigarettes, politics and deficits, late bills and overages, screaming and hollering, but still you want me. I'll always let you down, you shot it on the ground, still I find you there, next to me. And I'll

Pendant l'opération Fan de Foot chez Intermarché, tentez de gagner un voyage en Espagne, en Argentine, en Angleterre, au Brésil ou des millions d'autres cadeaux. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 15 juillet, tickets distribués tous les 25 euros d'achat. Modalité du jeu et magasins participants sur intermarché.com. Et bien sûr, foot veut dire nourriture. Mes lunettes, moi aussi, j'adore les changer. Ça tombe bien, Sharon. La nouvelle collection de Chin-Chin, elle est exceptionnelle. Moi, je veux bien tout changer, mais surtout pas mon opticien. Moi, c'est Afflalou. Chin-Chin spécialité, c'est deux lunettes de plus pour 1 euro de plus. Et c'est jusqu'au 15 juillet. Voir conditions en magasin, dispositif médical, demandez conseil à votre opticien. Il pleut encore, là? Ah bah super, l'été. La pluie? Ah mais non, c'est Loïc! Depuis qu'on a une nouvelle douche avec fonction jet-pluie, il a jamais été aussi détendu. Ah ouais? Peut-être que ça me ferait du bien aussi une petite pluie. Cet été avec IKEA, vous allez adorer la pluie. Rendez-vous vite en magasin ou sur IKEA.fr pour rafraîchir votre salle de bain et découvrir toutes nos nouveautés. Comme l'ensemble douche plus mitigeur thermostatique Broground à 179 euros. IKEA! Oui, c'est ça. C'était en avril, parfaitement. Opel Karl à partir de 6750 euros avec 5 portes, climatisation, aide au démarrage en côte. Et j'y avais pas cru. Et l'offre, elle est passée. Voilà, je m'en souviens. Le truc que j'aimerais oublier, je m'en souviens. C'est bien fait, la vie. Vous avez jusqu'au 30 juin pour y croire. Avec l'éco-prime Opel, la Karl est vraiment à partir de 6750 euros. C'est ça, 6750 euros. Sous conditions de reprise, prime gouvernementale et éco-prime Opel déduite, conditions sur opel.fr. Portes ouvertes ce week-end. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 8h31, j'ai l'impression que Big Flo et Oli ne sont pas encore arrivés. Et je veux dire un truc, c'est bon signe. Quand t'es à l'aise, que t'es détendu avec les gens chez qui tu vas, et ben tu arrives avec un petit peu de retard, c'est pas grave. Ouais. Tant qu'ils arrivent avec une bonne bouteille de vin. Voilà, c'est ça. Un petit peu tôt peut-être. Big Flo et Oli vont arriver dans un instant, ils seront avec nous pendant une heure. Si vous avez des questions à leur poser, si vous avez envie de leur parler, et ben n'hésitez pas, 0870 70 42 48, vous pouvez nous appeler. On va écouter Calvin Harris, ça arrive juste après les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Le temps ce jeudi plutôt calme partout, c'est une très bonne nouvelle. On a donc du soleil, un ciel assez dégagé sur la majorité du pays, des nuages, de la pluie tout de même au menu sur un axe Pays Loire Hauts-de-France. Le week-end sera franchement agréable selon les dernières prévisions. Les températures remontent un tout petit peu, cet après-midi il fera 20 degrés au Mans, comptez 22 à Dijon, jusqu'à 26 pour Cavalaire. Toujours ces gros soucis pour des milliers de sinistrés dans la moitié ouest, malgré tout. 12 départements restent en alerte orange inondation vers la Normandie, mais aussi dans le sud, des Landes aux Pyrénées, en passant par le Tarn et Garonne. De nombreux cours d'eau sont trop hauts et il a encore fallu évacuer pas mal de monde hier. Neymar, Ronaldo, Griezmann, qui soulèvera la prochaine Coupe du Monde? C'est la grande question. La réponse le 15 juillet, alors que la compétition démarre aujourd'hui en Russie. Dès 16h30, la cérémonie accueillera Robbie Williams, juste avant le premier match entre le pays hôte et l'Arabie Saoudite. La France, elle, débutera samedi. On espère qu'elle ira très loin. Pour les champions 98, Zidane, Djorkaeff et Pires, les Bleus auront de nombreux talents sur qui compter. C'est l'équipe qui est importante. Après, bon, on sait que Mbappé, à son âge et puis ce qu'il fait sur le terrain, c'est fabuleux. Mais en même temps, c'est ce que j'ai souvent dit, il faut le laisser tranquille. Parce que lui, il va faire ce qu'il faut sur le terrain. Il y en a un, j'aime beaucoup, mais je ne pense pas qu'il ait besoin de moi, c'est Kanté. J'aime beaucoup sa progression, ce qu'il fait sur le terrain, ce qu'il amène et tout. C'est assez incroyable, il a tout compris. J'aime beaucoup Ousmane Dembélé. Il est jeune, il y a de la fraîcheur, il y a de la vitesse, il y a de la percussion, il y a du dribble, il y a des buts. Je pense que quand il rentrera sur le terrain, il est capable de faire la différence. Voilà, on espère qu'on les aimera encore plus dans un mois. Interview signée Morgan Barthélémy. Rendez-vous samedi midi, en tout cas pour l'entrée en liste des Bleus face à l'Australie. Hôpitaux cherchent donneurs désespérément. Journée mondiale des donneurs de sang ce jeudi. Les stocks sont comme d'habitude au plus bas et les vacances d'été ne devraient rien arranger. Tout le monde ou presque peut faire un geste. Il faut avoir 18 ans, répondre à quelques questions. Ça ne prend que quelques minutes pour sauver des vies et aider les malades. Toutes les infos sur dondusang.net. Fin de la grève à la SNCF ce matin. Reprise du mouvement dès samedi soir. Les cheminots sont invités à participer, en tout cas à la journée interprofessionnelle de mobilisation. Elle sera organisée le jeudi 28 juin pour la défense des étudiants, des chômeurs, des travailleurs ou encore des retraités. Plusieurs associations lycéennes ont également signé l'appel. Colin Farrell, Michael Keaton et Eva Green, casting 5 étoiles pour le nouveau projet de Tim Burton. Le réalisateur travaille sur une nouvelle version live-action de Dumbo, l'histoire de cet éléphant aux grandes oreilles bien connu de Disney. La première bande-annonce est disponible depuis hier, sortie prévue en mars 2019. C'est la fin de ce flash, on est le jeudi 14 juin et vous retrouvez comme d'habitude Manu dans le 6-9 qui reçoit deux invités un petit peu spéciaux puisque Big Flo et Oli nous accompagnent ce matin. Très bonne journée. Bravo, j'espère qu'ils ont amené une bouteille de vin, ils sont en retard. Salut, bienvenue. Soyez les bienvenus. Salut. Vous pouvez venir ici. Ah ouais. C'est cool, je suis content. Déjà, je suis soulagé. Big Flo a mis sa casquette, je peux le reconnaître. C'était ça le signe distinctif. Exactement. Excusez-moi, quelle heure est-il? Beaucoup trop tôt pour vous apparemment. Ah ouais, la vraie question c'est qu'est-ce que vous faites dans l'autre chambre. On a 5 minutes de retard et franchement c'est pas mal pour cette heure-ci. Ouais, c'est bien. Ah bah écoute, normalement c'est le mec se félicite tout seul. Mais vous êtes plutôt frais. Retard, voilà. Et ben le problème c'est qu'on avait 5 minutes. Big Flo et Oli étaient avec nous. Merci beaucoup, c'était top. On n'a même plus le temps de rappeler les infos et les dates de concert, je suis désolé. Soyez les bienvenus. Merci. C'est Énergie, c'est Malu dans le 6-9. On est là, ce n'est pas grave. 5 minutes de retard, vous savez quoi, on vous en veut pas. Mais non. Merci, désolé. Ça fait plaisir. On s'excuse auprès de tout le monde. En revanche, à la fin de l'émission, vous ferez 5 minutes seul. D'accord. Tu sais quoi, on adore la radio, ça nous gêne pas, je te jure, on est chaud. C'est vrai, vous aimez bien la radio ? J'adore la radio. On est fan. Bah, ça, moi aussi. Vaut mieux putain. Pas par goût, par nécessité. Rapport, c'est le physique à un moment qui décide de ta vie. Hein. Non. Donc c'est comme ça. Hein. C'est tellement triste. Non, c'est tellement vrai. Big Flo et Oli sont avec nous. Ils vont passer. Vous restez jusqu'à la fin de l'émission, jusqu'à 9h30. Avec plaisir, c'est prévu. Cool. Et ben soyez les bienvenus parmi nous. Vous avez envie de leur poser des questions, vous avez envie de leur parler, n'hésitez pas. On va se réveiller tranquillement parce que voilà, on est un peu encore. En train de dormir. Dans notre bulle, ouais. On a le temps. Nico, je peux parler du premier truc ouf qui se passe en ce moment dans le studio ou pas? C'est quoi? C'est que Big Flo a un hand spinner. Oui, c'est ouf. Le mec, il est à l'ancienne. Je suis le seul mec qui utilise encore ce truc. On est d'accord que donc tu étais en hibernation la dernière et que tu viens de découvrir ce truc-là. Non, c'est juste que moi, c'est resté. Voilà, ça me détend. Je pense qu'on est encore beaucoup en France. Ouais. Et je vais monter une ligue de défense du hand spinner en France. Mais oui. Alors chacun, c'est quoi? Chacun ses batailles. Voilà. Il y en a, ils sont chargés de trouver des vaccins. Toi, c'est le hand spinner. Chacun son truc. Mais je valide pas. J'ai le mien dans mon sac. Moi, il est lumineux. Lumineux et Bluetooth, enceinte Bluetooth. Ouais, c'est un petit cran au-dessus quoi. C'est relou pour les gens, non? Ouais, ça n'amuse que moi. D'accord. Mais moi, je suis très content avec. S'il vous plaît, vous posez One Spinner, vous tenez la main, vous rentrez en classe. Big Flo, ils sont avec nous jusqu'à 9h30 et normalement. Il y a une belle surprise qui va arriver tout à l'heure. Alors je sais que Nico a travaillé à la guitare. Ouais. Vous n'êtes pas encore vu, mais a priori on va tenter une version acoustique de Papa tout à l'heure. Ouais, c'est ça. De dire ça. Il va se passer un truc. Ouais. On compte sur toi, frérot. Moi je suis là. Allez. Vous vous rappelez des paroles ou pas? À peu près. Mais moi, dans 10 minutes, je vais commencer à me lever un peu. Là, je suis encore. Mais j'ai une question toute bête. Oui. Qui va faire le moment où il y a le papa qui chante? Nous, on va le chanter. On va le chanter, ça va. Et je sais que soy viejo. Quand même, ça chante un peu. Ça va. En plus, comme j'ai la voix du matin, un petit peu là, ça va me faire la voix du daron. C'est vachement. Non, le parleur, la bamba. J'adore ce moment. C'est presque ça. Il a honte. C'est presque ça. T'as fait le papa. Je m'y connais pas en espagnol. Tu sais Manu que ma mère adore ta voix. Voilà, je te donne. Oula. Non, mais j'essaye de caler des plans. Je tenais à te faire passer le message. Je sais pas si Flo s'en souvient. Oui. Mais souvent elle t'écoutait le matin parce qu'elle adorait ta voix. Pourquoi elle m'écoutait? Elle écoute plus? Non, parce que je crois qu'elle écoute plus trop la radio, mais voilà. Elle a eu peur. Non, parce qu'en fait, pourquoi tu utilises le passé? C'est vraiment méchant. Parce que je suis très précis, elle prenait la voiture avant, maintenant elle prend le métro, tout simplement. Je peux vous raconter la vie de ma mère. Alors écoute, s'il faut pour gagner un auditeur qu'on lui paye une voiture, vous allez lui payer une voiture. Ils sont venus là pour ça. Justement, c'est pour ça que je t'en parle, frérot. Et vous savez qu'on va faire même plus fort que ça, on va l'appeler dans un instant et vous allez lui annoncer que vous lui payez une voiture. Magnifique, ouais. On a déjà fait. Putain. Alors pourquoi tu vas prendre le métro? Ah, parce que c'est un danger sur la route. Ok, d'accord. Non, mais vous voulez vraiment toute l'histoire de ma mère? On peut en parler. Mais parlons-en. Elle prend la voiture, elle roule dedans une minute pour se garer à un endroit pour prendre le métro. Ah, ouais. Et à Toulouse, ça n'a aucun sens de faire ça. Ouais. Mais nulle part. Hein. On lui dit, maman, pourquoi tu fais ça? Elle dit, moi, c'est comme ça, j'aime bien. Elle aime pas marcher. Voilà, mais je sais pas, écoute, on la laisse faire son petit monde. Mais c'est très bien. Tu sais, moi, j'ai un père, il roule en seconde sur l'autoroute. Donc, tu vois. Ah, ouais, d'accord, mais voilà. Faudrait peut-être leur faire se rencontrer. Ils peuvent bien s'entendre. Mais à pied, du coup, quand même. Ouais. On a Charlène qui est avec nous au téléphone. Bonjour, Charlène. Bonjour, salut Manu, salut Léo, salut Big Flo et Oli. Salut. Salut. Charlène, tu voulais leur poser une question, oui, parce qu'il y a des questions pour vous. Ah, j'adore. Alors moi, j'aimerais savoir quel est le pire défaut de l'un et de l'autre. Ah, ça, tu veux foutre la merde. Ça, ouais. Il faut savoir qu'on a un but caché à chaque fois qu'on reçoit un duo, c'est qu'à la fin de l'émission, ils se séparent. Ah yes. Ça va être difficile. Alors Charlène, moi je dirais que le défaut d'Oli, c'est d'être perfectionniste. Ah, c'est le meilleur défaut. Je vais trouver un vrai défaut, vous inquiétez pas. Je dirais que il a une humeur assez instable, mon frère. Ah, tu veux dire que c'est un psychopathe? Oui, complètement. Il peut faire la une des faits divers du Parisien demain. Non, quand même pas, mais vraiment, ça, il peut être vraiment d'une humeur exécrable pendant une heure et demie, faire chier tout le monde et après être super heureux et ça change comme ça toute la journée. Il est bipolaire, quoi. Mais pourquoi, ah, Oli? Un petit peu. Moi, je dirais que mon frère a une humeur exécrable aussi. Des fois, il peut être cool et puis d'un coup, tu vois, c'est. Ouais, c'est ça. Comme là, par exemple, en fait. Ouais. Non, je vais dire très très en retard. Flo, il est trop en retard et c'est un cauchemar pour tout le monde. C'est vrai. Y compris pour moi. Alors, tu sais quoi, c'est intéressant parce que nous, on a Paulette comme ça qui travaille avec nous. J'ai un gros problème. Mais c'est au-delà du cauchemar. Mais je suis pas même sur le même fuseau horaire. Combien de temps de retard en moyenne? Je peux faire 1h30, 2h. Non, plus que ça. Là c'est un manque de respect. Plus que ça, je suis absente, quoi. Non mais attends, un jour, véridique, on a un rendez-vous. Elle dit ouais, je passe chez moi, j'arrive. Elle passe chez elle, plus de nouvelles pendant 4 heures. Ouais. On fait ce qu'on avait à faire. Et au bout de 4 heures, elle nous appelle, parce qu'on, quand même, on l'a appelée. Ouais. Et elle se réveille de sieste en faisant écoutez, je suis allée chez moi, je me suis endormie et pouf, au revoir, bye bye. Pouf, au revoir, bye bye. Au revoir, bye bye. Ça, il a fixé sur ça, ça l'a trop. Le truc, c'est qu'à aucun moment, elle dit pardon. Non, je m'excuse. Tu t'excuses quand même. Oui, je m'excuse vite fait, mais je m'excuse quand même. C'est mes amis, hein, je parle. Ouais. Quand c'est mes amis, je dis ah, désolé frérot, tu me connais. Ils font ouais. Voilà. En fait, le problème, c'est que maintenant, notre équipe de tournée nous donne rendez-vous, des faux rendez-vous en fait, bref. Bah oui. Sauf que Flo, c'est ça. Ouais. Donc du coup, maintenant, je sais que si je suis à l'heure, je vais attendre. Donc du coup, enfin, c'est un enfant. Ouais, donc de faire attendre, ça te dérange pas, mais d'attendre, c'est un souci. Ah, oui, horrible. En gros, c'est un salaud, voilà. Un peu ça, ouais. Si vous allez voir Big Flo et Oli, que le concert est annoncé à 20h, venez à 23h. Pour être sûr, pour être large. Sinon, la première partie, en fait, c'est Oli qui l'a fait tout seul. Big Flo et Oli sont avec nous ce matin. Merci d'avoir été là, Charlène. On bisous, Charlène. Merci. Gros bisous. Je vous dis à demain au Festival à Luna. Ah, tu seras là demain? Ouais. Ouais, c'est le premier festival de la tournée. Hein. Eh bien, tu mets un t-shirt jaune, Charlène, on te reconnaîtra, promis. Allez, ça va. Au milieu de 40 000 personnes. Mais gros bisous, merci de venir nous voir, ça fait plaisir. Merci Charlène. Bisous, à demain. Bisous. C'est à quelle heure demain le concert, Charlène? Ça dépend de Flo. Qui passe en deuxième partie. Ok, bah compte qu'ils partiront, ils seront là en quatrième partie. Ouais. 8h43, Big Flo et Oli sont là avec nous. N'hésitez pas à nous rejoindre. 0 870 42 48. Soyez les bienvenus sur Énergie. On démarre cette journée ensemble. Ouh. C'est Calvin Harris et Dua Lipa. Bon réveil. Feel your Bienvenue sur Energy, il est 8h45, on est avec vous comme chaque matin pour démarrer cette journée. On va s'écouter le dernier Drake dans un instant et Big Flo et Oli sont avec nous ce matin. Ouais. Ils se sont réveillés tôt, ils le regrettent. Mais ils ont fait cet effort de se réveiller tôt, ou c'est pas du tout vos horaires, on est d'accord? Non, pas du tout. Non, on est décalé maintenant à cause des concerts et tout ça. On s'endort à peu près vers... Enfin, moi, c'est minimum 4 heures. Ah ouais, ouais. Mais ça va, vous êtes prêts, hein? Ah, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas te coucher, je me lève. Exactement, on se croise. Putain, notre couple, c'est tellement dur de le faire tenir. Mais tu sais que quand je m'endors serein parce que je sais que tu es réveillé et que tu es là pour t'occuper de la France. Mais je vais te dire un truc. Quand le soir, je suis chez moi, seul dans mon lit et que je me mets sous la couette et qu'il est 22h, je pense qu'en ce moment, des gens sont heureux parce qu'ils vous regardent en concert. C'est un truc là. Non, mais c'est vrai, c'est un gros problème. Décalé total. Ce matin, Oli, il m'a parlé comme ça. Il m'a dit: Flo, il faut qu'on aille voir un médecin du sommeil, vraiment. Je te jure, j'ai dit ça. C'est vrai. À ce point-là. Dans la voiture, j'ai dit: faut. Bah oui, je te jure, on se couche trop tard, quoi. Mais moi, je vois tes tweets. Quand je vais me coucher, souvent, je vois tes tweets vers 5-6 heures, quoi. Avant-hier, je me suis endormi à 1h30 du mat. Et j'ai envoyé un texto à Oli, genre: c'est miraculeux, je suis fatigué, je m'endors. Et là, du coup, t'as envoyé le tweet et tu t'es pas endormi. C'est ça. Après, je suis allé sur YouTube et tout ça. Mais c'est le problème, hein. Une fois que t'as ton écran devant toi, c'est foutu. Ah ouais, mais vous faites quoi la nuit? Vous jouez aux jeux vidéo, par exemple, ou pas du tout? Ouais. Flo, beaucoup, ouais. Moi, je fais que ça. Tu joues à quoi? Je joue à tout, tout ce qui existe, tout ce qui bouge, tout ce qui a une manette, je joue. Ok, donc ça nous donne un indice sur qui compose dans le groupe. Le pire, c'est que c'est lui qui compose en plus, tu vois. Non, mais dès qu'il y a un écran, c'est moi qui m'en occupe en gros. D'accord. Voilà. Et moi je fais rien, donc je sais même pas pourquoi je me couche tard, je fais strictement rien. Mais de temps en temps, on te voit dans l'équipe. Ouais, voilà. Mais j'aimerais tellement être du matin. Je trouve que les gens qui sont du matin, ils sont d'une élégance et d'une classe. Oh là là. Il est 7h30, ils sont là. Oh ouais, il fait un peu frais, mais moi je suis bien. Ils sont là, ils courent partout. Et toi t'es là, c'est quelle vrai, chance. Oui, quelle mais chance. À 9h30, on s'écrase comme des merdes. Ouais, ah, oui. Faut le savoir, on donne tout pendant 3h. Big Flo et Oli sont avec nous ce matin. Si vous voulez leur parler, n'hésitez pas. 0 870 42 48, vous nous appelez. Avant ça, on va se faire les sondages du matin. On fait ça tous les matins. Ce sont les sondages. On est le matin, on a appelé ça les sondages du matin. Idée de génie, c'est comme ça qu'on fait les chansons. C'est très fort, très très fort. Ouais, je sais. C'est l'objet que les gens achètent le plus à la mauvaise taille. L'objet que les gens achètent le plus à la mauvaise taille. D'après vous, de quoi il s'agit? Big Flo? Les préservatifs? Eh bien non. C'est pas bête. Mais en tout cas, on est ravis de le savoir. Et là, tu dis, c'est pas moi, c'est un cousin. Ah, c'était pour la blague. Caleçon? C'est pas les caleçons. Nico? C'est un sous-vêtement déjà ou pas? C'est pas un sous-vêtement. Ah. Non. C'est un objet qui est dans la maison, qu'on porte? Qu'on porte, oui. Ah. Chaussures? C'est pas les chaussures. Ah ouais, non, mauvaise taille. Non, chaussures. Parce que des fois, tu te prends 42 et en fait, ça te va pas tant. Bah, tu les essayes. Oui, c'est vrai. Manu, on t'explique, on n'est pas du matin, il faut le répéter. Il va falloir que je me réveille un petit peu, moi. Oui, c'est vrai, excuse-moi, je ne pensais pas être là aujourd'hui. Un petit indice ou pas, Manu, s'il te plaît? Un petit indice, ça se porte plutôt sur un des membres de notre corps. Hein? Des gants? Des gants, bonne réponse. Ah ouais? C'est ce qu'on achète le plus à la mauvaise taille. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais? Ouais, ok. Les gants. Et là, par contre, on ne les essaye pas, les gants. Il a raison. C'est vrai que c'est pas logique en fait. Mais alors, qui achète des gants sans vraiment jamais les enfiler avant? Tu veux d'abord les acheter? Mais il y a un truc avec les gants qui est vrai, c'est que quand tu veux les essayer, en fait, ils sont collés l'un et l'autre. Ils sont toujours attachés. Ouais, donc tu peux essayer que un après l'autre. Ah. Et donc tu n'as pas vraiment. Il est fort, il est très fort. Il s'en sort toujours. Ça me convient à moitié. Ouais. Je m'en sors merdique, mais je m'en sors. on va passer à un autre sondage. Une voiture sur 12 en ce moment, là ou au moment où on parle, a ce problème. Quel est le problème de cette voiture sur 12? Elle a un pneu crevé. Elle a pas un pneu crevé. Non. Elle a pas fait son contrôle technique. Non, c'est pas ça. Ça se passe sous le capot? Dis-moi, Polo le garagiste. Vous voulez que je vous fasse la vidange? Parce qu'à mon avis, c'est un problème de carbu. Je sais pas qui vous a réparé ça, mais oh là, ça c'est ni feu ni à faire ça. Bah, petite dame, je vous laisse pas partir comme ça, moi. Hein. Ah, ça va coûter cher, mais la vie n'a pas d'argent, madame. Hein. Attention, c'est pas ça. Rétro, problème de rétro, à mon avis, non? Non, mais c'est un problème à l'extérieur. J'y croyais, tu viens de briser un rêve. L'antenne qui est cassée? Non, c'est pas l'antenne qui est cassée. Le pare-choc prêt à tomber, je sais pas. Non, tu sais pas, effectivement. Une voiture sur 12 en ce moment a ce problème-là sur la route. Ah non, sur la route, non, alors. Parce que je pensais que c'était une des portes qui bug, un truc comme ça. C'est pas la porte, mais ça se voit de l'extérieur. Mais ça se voit aussi de l'intérieur. Mais la personne qui est à l'intérieur ne s'en aperçoit pas. Pourtant, elle devrait s'en apercevoir. Bah, il y a un clignot qui est en route, quoi. Bah, c'est pas les clignots, c'est les warnings. En ce moment, okay. Assez déçu de la réponse. Ah bon. Ok, alors tu sais quoi ? Je suis déçu de mon dernier album. Non, le mec il a la rage de perdre. Il est là. Ouais, je suis déçu. J'aurais pas dit ça, moi. Un petit dernier. 40% des gens vont toujours au même endroit lorsqu'ils doivent le faire. Au même endroit. D'après vous, c'est quoi alors ? Déjeuner ? C'est pas déjeuner. Dans les toilettes. Dans les toilettes. Ah oui, oui. Excusez-moi, j'ai des toilettes, elles sont à 40 km. Je ne vais que dans ces toilettes. Mais tu sais quoi, je vais te dire un truc. Moi, je suis très bien dans les toilettes chez moi et j'ai du mal à aller aux toilettes ailleurs. Ça, c'est une info, il fallait pas la rater. Mais tu sais quoi Je suis pas du matin. Mais tu sais quoi, j'ai deux potes comme toi et je pense que c'est plus commun qu'on ne le pense. Mais moi, c'est vrai, c'est pour ça que j'ai dit ça. C'était même pas une blague. Mais je sais que c'est pas une blague. Qui ferait la blague de j'aime bien faire caca chez moi. Ça n'existe pas. Alors c'est pas ça donc. Ah, ok. Nico, c'est sexuel ou pas du tout? Alors pas du tout sexuel, mais ça m'intéresse de connaître ta réponse. Ah, non, c'est un petit plaisir solitaire. Non. 40% des gens ne le font pas au même endroit tant tout pis, le temps. Tant pis. Ça commencera à se voir. Moi non plus. C'est un magasin? Une sorte de magasin. On y achète pas. Enfin, on peut y acheter des objets, mais c'est pas ça qu'on fait réellement dans cet endroit. Ah. Bah, boire des verres dans un bar. Bar qui vendrait des objets. Non. C'est pour faire quelque chose sur soi. Ouais. 40% des gens vont toujours au même endroit lorsqu'ils doivent le faire. Ah. Quand je vais vous donner la réponse, vous allez faire mais oui, bien sûr. Le coiffeur. Magnifique. Normal. C'est sûr, ça. Ouais. Vous avez votre coiffeur, c'était évident. Ouais. Ça se voit pas, t'as vu. Ça se voit que vous avez le même, mais ça se voit surtout qu'il faut changer. Oui, on a nos coiffeurs, c'est la famille Jordana qu'on a depuis 5 ans, c'est vrai qu'on n'a pas changé depuis 5 ans, quoi. Voilà. C'est moi, incroyable. J'ai une calvitie en route, donc. On parle pas de cheveux avec. Alors, si on peut en parler un tout petit peu, parce que tout à l'heure on a eu d'autres sondages. Je sais, j'ai eu des tweets des gens qui disaient c'est pour Oli ça et sa calvitie. Génial. C'est pour 70% des hommes la plus grosse peur qu'ils ont. Ouais. Et ça peut leur arriver, c'est de perdre ses cheveux. Ouais. C'est horrible. Sachez que Oli a une petite poudre qui se met. Je vais prendre un selfie de ma tête, tu vas voir. Attends, excuse-moi, mais je regarde Oli, t'es pas. Non, mais ça arrive. C'est derrière. Il est perturbé. Hein. Bien sûr, on voit rien là. Après, sous la casquette de Big Flo, on sait pas. Ouais. Non, moi ça va. La solution qu'on avait donnée, c'était de se raser complètement la tête. Ah ouais. Non, un petit toupet. En regardant bien, effectivement. Ah ouais, on dirait un petit peu, ouais. Ouais, ça commence, mais c'est pas grave. On est venu avec un ami à nous qui s'appelle Wawad, qui est beatboxer. Et il a perdu ses cheveux à partir de 16 ans et demi, je crois. Ah ouais. Comme ça. Ah, déjà, il n'y avait rien, déjà, c'était fini. Et à 8 ans, il avait perdu un bras, ensuite les jambes. En fait, tout part en sucette. C'est incroyable. On ne sait même pas s'il va arriver dans le studio en entier. Putain, il y a une flaque. Tout va bien. Big Flo, ils sont avec nous. On a la forme, on est bien, on est contents. Yes. On a Margot au téléphone. Bonjour, Margot. Yo. Bonjour Manu, bonjour les Wouin, bonjour Big Flo et Oli. Salut tout le monde. Bienvenue sur Énergie, Margot, Big Flo et Oli sont là pour toi, tu en fais ce que tu veux. Ça c'est bien. Vraiment ce que je veux ou... Attends. Ah oui Margot, on se connaît pas, c'est quand même. Voilà. On commence tranquille. Margot, c'est quand tu veux, parce que nous on est là jusqu'à 22h. On reste ensemble jusqu'à 22h, il n'y a pas de souci. Alors moi j'ai une petite question, c'est que j'aimerais savoir si si vous faites tout ensemble, si vous mettez tous d'accord ensemble, ou s'il y a un chef entre vous deux. Tout le monde veut foutre la merde. Que des questions, c'est quoi au pire défaut, c'est qui le chef alors? Margot, je vais te répondre, c'est pas vraiment un chef, mais c'est le grand frère. Donc c'est vrai que Flo prend les grosses décisions et c'est lui qui tient un peu le bateau, quoi. Genre, c'est le capitaine du bateau. Je tiens la baraque. Quelle est la dernière grosse décision où c'est Big Flo qui l'a prise et toi, Oli, t'as fait d'accord? Oh, pas mal ça. En fait, non, si Oli il est vraiment pas du tout d'accord, moi je peux pas prendre douter, la décision. En fait, ça me fait chier, tu vois. Bah ouais. Mais quand il faut un peu trancher et lui dire allez, c'est bon, on valide ça, ben il y a pas longtemps, on a validé un truc sur un son. C'est vrai. Et lui, il commençait à stresser en tant que petit frère. Ouais, mais est-ce qu'on rajoute pas ça? J'ai dit, c'est bon, il est fini là, on touche plus. Du coup, le son va pas être ouf. Boum. Voilà.

Ariana Grande sur tous les fronts. La chanteuse et actrice performe aussi dans le monde de la mode et des produits de beauté. Elle s'apprête à sortir un nouveau parfum à seulement 24 ans. Le précédent avait quand même rapporté plus de 150 millions de dollars. La chanteuse vient de teaser sur ses réseaux sociaux une belle pub gratuite pour celle qui cumule quand même 121 millions de fans sur Instagram et 58 millions sur Twitter. On termine au ciné avec d'autres chiffres, ceux du carton de Jurassic World. Déjà 1 400 000 spectateurs en France pour la première semaine en salle. C'est une très belle performance. Autre film énergie très populaire, Deadpool 2, qui a franchi les 2 millions en seulement un mois. 9h06, c'est la fin de ce flash. On est un petit peu en retard. Big Flo et Oli, tout de suite avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. Bonne journée. Comme chaque matin avec vous, 9h et 6 minutes. Et depuis 8h30 ce matin, il nous colle comme de la glu. Ouais. Big Flo et Oli sont avec nous. Je voulais remercier tous ceux qui nous envoient des tweets. Je vois qu'il y a beaucoup de visionnaires qui nous envoient des messages. J'ai vu des gens qui sèchent les cours juste pour nous écouter. Bon, ça c'est pas très bien. C'est pas terrible, mais bon. Gros big up à tous ceux qui nous soutiennent et qui nous écoutent ce matin. Des bisous, merci, c'est vrai. Voilà, c'est très sérieux, c'est premier degré. Mais non, mais quand on vous parlez comme ça, on a envie tout simplement de vous serrer dans les bras. Et vous dire comment soirée. On se quitte plus jamais. On est les meilleurs amis du monde. C'est touchant, Manu, ce que tu me dis de bon matin, là, vraiment. C'est touchant ce que toi tu me dis. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Wawad, un petit klaxon peut-être? C'est génial. Big Flo et Oli sont venus avec leur bruiteur professionnel. Donc, il s'appelle Wawad et donc il fait du beatbox et il fait aussi du bruitage avec la bouche. Il peut tout faire. Demande-lui n'importe quel bruit là. Pas tout, mais. Si, demande-lui. Le train qui passe. Ok. Déçois pas. La brosse à dents électrique. Bon, c'est quoi? Dis-nous un bruit et fais-le. Ah ouais. Électrique. Non mais attends, le train qui passe, tu peux le faire. Ça c'est le bon. C'est le signal d'alarme du train qui est en panne. C'est pas notre pote, c'était un autre. Le beatbox avec les 4 sons, le rire et tout, ça c'est cool. Ah oui, ça on peut vous faire. Une démo de beatbox. Oui, un petit démo de beatbox. Okay. Sans train. On y va. Le rire et tout. Ah, le rire et tout. Ouais, vas-y. Bon, alors, je vous montrerai comment mettre 4 sons dans un rythme. On va prendre le klaxon. Ok. Le rire de femme. Ok. Le dragon. Ok. Ouais. Et ensuite une fille qui fait des. Ok, garde que le quatrième. C'est bon. Oh là, Pas bien la démo quand même, on était tous un peu déçus là. Non, c'est fort, génial. En fait, ça t'est venu comment? C'est-à-dire que tu voulais acheter une batterie, tes parents t'ont dit non, et du coup tu dis je vais la faire tout seul. C'est à peu près ça. Dans un instant, Big Flo et Oli vont nous faire une version acoustique de Papa, tu peux faire du beatbox avec. Allez, pourquoi? On fait un truc vraiment comme ça. Version unique de Papa, ça arrive dans un instant. La Coupe du Monde démarre ce soir. Vous êtes fan de foot? Ah ouais, à fond. Je suis trop content, ça. J'adore la Coupe du Monde, là, c'est un plaisir. On est vraiment ce qu'on appelle des footix, vraiment. C'est-à-dire que moi, je connais pas les stats, je connais pas vraiment tous les joueurs et tout. Par contre, j'adore le foot. T'adores regarder, on va regarder un max de matchs. En plus, on sera en festival. Donc je pense qu'il y aura une bonne ambiance et tout. On va regarder des matchs. Est-ce que pendant vos concerts, il y aura un écran derrière avec le match? En tout cas, il y aura le petit téléphone pour regarder les scores, c'est sûr et certain. Là, par exemple, j'ai trop les boules, on rate le match Portugal-Espagne demain. Je suis content de faire un concert, mais. Non, je suis content de faire un concert, mais. Dis-le sur scène quand t'arrives, tu dis bon, vous nous cassez les couilles, parce que normalement on devrait regarder le match. Mais on va quand même chanter 2-3 titres. Par chance, avec le décalage horaire, ça va, parce que souvent les matchs sont dans l'après, mais nos concerts sont le soir, donc c'est cool. Ils l'ont fait pour vous. Hein. Ouais, on avait appelé un bon ami en Russie. Ouais, mais on a dit à notre tourneur et tout, pas de date de concert pour les demi et la finale. Quand même, carrément, parce qu'on peut pas le rater. Et pour les matchs où l'équipe de France va jouer? Bah pareil, on va tous les voir. On va tous les voir, c'est l'après-midi, je crois. Oh, c'est bien. T'imagines dans un monde normal si tu fais ça? Bon, bah alors je ne travaille pas la finale et la demi-finale, je vous préviens. Il y a des gens, on en a parlé dans l'émission, il y a des gens qui prennent leurs vacances uniquement pour regarder les matchs de foot. Quoi. Incroyable. Moi, je comprends complètement. Après, il y a des gens qui mettent des arrêts maladie, mais là, ça se voit un peu quand même. Je suis malade là, aujourd'hui c'est la finale, j'ai un peu mal au bide. Hein. C'est moi, c'était une imitation de quelqu'un qui travaille dans un bureau, c'est ça? C'était. Quand je prends cette voix là, comme ça, c'est le mec qui bosse au bureau. Quoi. Okay. C'est quoi? Je suis désolé, Manu. Non, le prenez pas mal, mais continuez le rap. D'accord. Big Flo et Oli sont avec nous ce matin. Dans un instant, vous allez vous mettre sur la gueule. On a un truc qu'on a fait tout à l'heure, on pourrait le faire avec vous, c'est Glandu. Quelqu'un a un jeu, en fait, on le fait régulièrement dans l'émission. Il nous pose des questions chacun à notre tour et les questions démarrent toujours par qui dans le studio. Yes, en général, c'est une question un petit peu perverse derrière. Ouais, c'est le but, ouais. Là, on va faire la même chose avec qui de vous deux et à chaque fois, c'est l'autre qui doit répondre. Okay. Vas-y, très bien. C'est okay. T'as un exemple, genre de question? Ouais, par exemple, lequel de vous deux supporte le moins la critique? Bon, celle-là, elle est gentille. Ça va. Non, mais tu sais quoi, tu seras obligé de répondre parce qu'il te dira cette question, elle est pour toi dans un instant. Ah, d'accord, ouais. Ok. Ok, ben, on va faire ça dans un instant juste après le Pink. Vous aimez on le Pink chaud. Ouais, on aime bien. On pas spécialement. Bien. Je respecte beaucoup l'artiste, mais j'ai jamais écouté Pink. Ah, bah, c'est eh bien, dommage, tu sais quoi, bien. Ça lui fait de la peine parce qu'elle, elle t'adore. Ah, oui, je sais qu'elle était touchée. Et elle était dans le studio, c'était une surprise qu'on avait calé à la minute. I'm sorry, Pink. Vous dites à Pink qu'elle peut rentrer chez elle. C'est con, ça aurait été un bon moment de radio. Le nouveau Pink sur NRJ, Big Flo, ils sont avec nous jusqu'à 9h30. Elle est en chiale dans le couloir. Running like a dog, fighting like a bitch too much, and you just can't stand it, baby. Even when I fall, you don't seem to give two shits, cause you're just too cool, baby. We could have it all, neither one of us would budge, cause we can't be wrong, baby. Folding up your arms, closing up your heart. I know what you think is me. La chanteuse préférée de Big Flo, Pink, sur NRJ, il est 9h14. Mais t'as le droit de pas être fan, hein. Bah, non, j'ai jamais vraiment, excusez-moi, je me suis jamais mis un Pink chez moi. Jamais. Eh ben, non, mais tu te trompes. Et pourtant, je viens de la ville rose. Ouais. Oh, c'est extraordinaire comment il rebondit à chaque fois. Le jeu de mots. Bim boum. Manu, encourage-le un peu parce qu'il adore la radio, il aime bien, tu vois. Donc, mais vous l'avez dit tout à l'heure, vous adorez la radio. Vraiment, j'adore ça. Moi, oui. Je rêverais d'avoir mon émission de radio un jour, de prendre ton travail. Non, mais je rêverais d'avoir une émission. Tu ne vas pas sortir de ce studio vivant. De toute manière, t'inquiète, on fera pas des émissions le matin. On n'est pas. Alors, t'as compris qu'on n'était pas. Je vous rassure, je prendrai pas votre boulot non plus, je n'ai aucun censuré. Non, mais j'aimerais trop. Dans un instant, Big Flo, d'ailleurs, à propos de chansons, vont faire une version unique, exclusive de Papa avec Nico Duweb à la guitare. Yes.

Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9 sur Énergie. La vraie raison, c'est que j'ai refusé et que mon destin est de jouer de la flûte avec Big Flo et Oli dans un instant. Non. Ça, c'est classe. Big Flo et Oli sont nos invités ce matin. On va avoir une version unique et acoustique de papa Nico du Web à la guitare. Ouais. Leur pote Wawad qui est venu et qui va faire du beatbox. Et à un moment, quand vous voulez, je suis chaud, j'ai ma flûte. Alors, on le n'oublie plus tard pas possible. Le signal qu'a trouvé Oli, moi je trouve que c'est vraiment c'est un signal très très judicieux et très fin. Tu c'est dit... quand il te dira flûte. Okay. Au moment où il dit flûte, attends, c'est le moment de la flûte. Si je veux parler de moi, je le note juste. Ouais, voilà. Flûte, ouais. Note, quand Oli dit flûte, je fais de la flûte. C'est Pharrell Williams qui m'avait conseillé ce truc-là au festival. Ouais, il met beaucoup de flûte dans ses morceaux. If you want to have a flute solo, you have to say flûte. Yeah, with Manu. Il est incroyable. C'est une imitation de Pharrell. Alors avant ça, c'est alors continue le rap. Encore une fois, on est en Facebook Live, vous pouvez vous connecter parce que et ben vous allez voir ça en direct. Donc on se tient proprement, les gens nous regardent. Ah, ouais. Juste avant de chanter, Glandu a des questions pour vous. Ouais, ouais. Sur le principe du jeu de Glandu qu'on fait régulièrement dans l'émission, il va commencer toutes ces questions par lequel de vous deux. Ouais. Il faudra répondre honnêtement. Allez, on y va. Allez, on commence par l'aîné, Flo. Oui. Lequel de vous deux survivrait le moins longtemps sur une île déserte? Moi, par rapport au physique, tout simplement. Par rapport au nombre de réserves que je peux stocker, oui. D'accord. En réserve, tu as moins 12, on est d'accord. Exactement, hein. Oui. Moi, je pars déjà en déficience. Oh, merde. À moins 12, il est très précis, Manu, à moins 12. C'est qu'en fait, tu n'arrives même pas sur l'île déserte. Non, pas du tout, non. On s'est honnête. Oli, à toi, lequel de vous deux fait le plus de bêtises quand il a bu? On boit pas d'alcool tous les deux. Ah ok. Jamais. On est très ennuyeux. Ouais, oh, ouais, c'est dingue. Bah non, on n'est pas ennuyeux. On boit pas. Moi non plus, je bois pas. C'est très bien. Il faut bien qu'il y ait des Sam. Vous avez votre merci permis encore. Moi oui. Ah très bien. Donc tu seras Sam ce soir. Ouais. Voilà. Je suis Sam tout le temps. Bah oui, c'est bien. Tu bois pas non plus. Mais non, ça me dérange pas. Moi j'aime bien ramener les potes. Ils sont marrants quand ils sont bourrés. Oh, c'est cool. Je prends des vidéos. Moi, je suis le connard qui prend toutes les vidéos parce que je suis, j'ai pas bu. Le lendemain, je fais regarde hier comment t'étais. Mais est-ce que t'es connard jusqu'au bout à les mettre sur Instagram après? Non, quand même pas. Ça dépend pour qui. Mais alors, tu les mets, mais tu utilises un autre compte. Voilà, c'est ça. Un compte moins connu. Encore des petites questions. Ouais, Flo, lequel de vous deux pourrait répondre au téléphone pendant l'amour? Oli. Parce qu'Oli, il est très, très. Il est très, très à fond sur le travail et tout ça. C'est et vrai. Il a du mal un peu à décrocher, ouais. Ah. Est-ce que tu le ferais vraiment, tu penses? C'est possible, ouais. Si mon frère m'appelle, avec plaisir, même. Oh, j'espère. Ah non! C'est gênant. Et là, c'est la pire réponse qu'on ait jamais faite en interview. Allô, frérot, ça va? Quelle horreur! C'est horrible. Et en plus, il le met sur haut-parleur. Non, mais en vrai, on parle pas de ça entre frères. Très sérieux. Une petite dernière? Oui, allez. Oli, lequel de vous deux est le plus radin? Le plus radin, je pense que c'est moi. Ah bon, c'est toi. Genre le mec, je pense, tout le monde, il est connu pour être la grosse pince, mais il était bon le resto hier, Flo. C'est moi qui ai payé. C'est vrai en plus. Mais voilà. T'es radin à quel point? Non, je suis pas vraiment radin. Je suis économe. Tu fais attention. Pour les autres, je suis pas radin, mais pour moi, c'est vrai que je suis économe un peu. Pour offrir des cadeaux et tout, ça va, mais c'est pour toi-même. Mais, je te jure, vrai ou faux, Flo, s'il te plaît. Allez, je vais te dire vrai, vraiment pour te faire plaisir. Ouais, tu peux dire un truc, tu me connais très bien. Non, le micro, même le micro, il ne peut pas s'allumer. Il est fatigué. Big Flo et Oli, ce matin, sont avec nous. On n'aura pas plus. Big Flo et le radin sont là. On n'arrive pas le matin, on y arrive pas le radin. Big Flo et radin. Je ne vais pas écrire un livre pour aider les gens qui ne sont pas du matin. On n'est pas bien, je te jure. Un livre, je ne sais pas, mais moi non plus. Nous aussi, on n'est pas bien. On te l'a dit. Dans deux minutes, on s'endort. Avant de partir, on vous a promis une version exclusive de Papa. Oui. Allez, attention. Big Flo et Oli, c'est Papa. C'est une version exclusive pour vous. Avec Manu à la flûte. Mais évidemment, vous pouvez voir tout ça en Facebook Live. On est sur notre page Facebook, facebook.com/Manu dans le 6-9. Manu, juste, tout oui. Ton solo de flûte, c'est quand on dit flûte. Quand vous dites flûte, je démarre. Voilà, c'est okay. Un petit signal. Big Flo et Oli, ils rappent, ils chantent. Nico Duweb est à la guitare acoustique. Ouais. Leur pote Wawad est au beatbox. Et moi, okay. je vous donne le la. Oh. C'est bon. Ah mon dieu. Quand vous voulez. Yeah, yeah, Big Flo, Oli sur Énergie. Vous êtes bien chez Manu, réveillez-vous. Allez la France, allez l'Argentine. Yeah. Désolé maman, ce texte sera pas pour toi. Je suis discret en vrai, mais en musique il faut que je parle. Sa voix vibrait dans mon oreille quand j'étais dans ses bras. Les chansons à la guitare, les bisous avec la barbe. Il parle de l'époque du lycée, avec mélancolie. Je m'endormais sur le canapé, je me réveillais dans mon lit. Il m'a laissé veiller devant les films que j'aimais bien. Il m'engueule jamais, le pire c'est quand il dit rien. On fait des matchs et je prie pour que ça dure. Il prend de l'âge, fais lui dans ses courbatures. Et j'en tremble quand on se fâche par moments. Plus ensemble, mais il demande toujours pour maman. Il m'a transmis son charme et sa poésie. Mais j'ai aussi hérité de sa calvitie. C'est mon idole avec lui, rien n'est impossible. C'est un peu mon avocat, mon cuistot, mon taxi. Ses histoires et ses plaques quand il picole. Ses vieux pulls et ses chemises à auréoles. Maintenant c'est bon et bêtement on en rigole. Mais j'étais con et j'avais honte devant l'école. L'odeur du café le matin, les bisous, les souvenirs, les au revoir, les câlins, ses blessures, ses soupirs. Ça reste mon père et je reste son gamin. Et quand j'en aurai un, je lui parlerai du mien. Celle-là c'est pour nos pères, nos padres, ceux qui disent je t'aime sans même parler. Pour ceux qu'on regrette, ceux qui sont pas passés. Mais si t'es papa, tu sais que t'es pas parfait. Celle-là c'est pour nos pères, nos padres, ceux qui disent je t'aime sans même parler. Pour ceux qu'on regrette, ceux qui sont pas passés. Mais si t'es papa, tu sais que t'es pas parfait. Non, bon. Y ya sé que soy viejo. Nunca te olvidaré. Cuando miro el espejo, son mis hijos que veo. Me acuerdo del mío. Y cuando se fue, aprendí que en la vida no vale más que un papá. Allez, un peu de fuite, un peu de fuite. Papa. Attention, wouh! Papa. Tout le monde. Papa. Ah ouais. Papa. Manu à la flûte. Depuis mes tout premiers papa, tous mes amis le trouvent vraiment très sympa. Papa, il les invite à partager le repas. Papa, mon père c'est le meilleur, mais ça se compte. Papa, il hérite la jeunesse, l'a quitté. Comme tous les pères, il a l'air déprimé. C'est sensible dans le salon, je le vois à chaque fois. Je crois qu'il regrette l'époque où il était papa. Papa, mon père c'est mon boss, quoi. Mon roi, mon héros. Moi, je suis son gosse, son mino, son héros. Quoi, il tourne tous mes problèmes en dérision. Je suis une des raisons pour laquelle il peut finir en prison. Quoi qu'il arrive, il accomplit sa mission. La berceuse du soir et les bisous qui piquent devant la télévision. Le sport devient une religion. La sueur des joueurs de foot devient de l'eau bénite. Si ton père n'est pas là, tu sais, ne sois pas triste. Tu évites les engueulades pour le bouchon du dentifrice. Et j'appréhende déjà le jour des grands adieux. Y'a pas de bon père, y'a que des hommes qui font de leur mieux. Celle-là c'est pour nos pères, nos padres, ceux qui disent je t'aime sans même. Pour ceux qu'on regrette, ceux qui sont pas passés. Mais si t'es papa, tu sais que t'es pas parfait. Celle-là c'est pour nos pères, nos padres, ceux qui disent je t'aime sans même parler. Pour ceux qu'on regrette, ceux qui sont pas passés. Mais si t'es papa, tu sais que t'es papa. Manu en espagnol, en espagnol. Mais tu peux pas jouer de la flûte en espagnol. Les gars, c'est en rythme. Je suis payé pour faire de la flûte, moi. Les gars, c'est en rythme. Me acuerdo del mío. Y cuando se fue, hey, aprendí que la vida, tout le monde, no vale más que un papá. Je l'entends pas. Papá, tout le monde. Papá, c'est l'or. Papá, papá. Un peu de chant, un peu de chant. Papá, papá, papá, papá, papá, da da da. Merci beaucoup, merci, Big Flo Oli, d'avoir Manu. Été en featuring sur mon titre de flûte. Juste, est-ce qu'on peut débriefer un truc? Ouais. Parce que je t'ai dit en espagnol pour que tu chantes le refrain. Oui. T'étais oui. tellement dans la flûte que t'as fait de la flûte ah, en espagnol, attendez, en fait. Je vous explique, je suis flûtier. Ouais. Là, il joue de la flûte dans toutes les langues. Big Flo Oli est avec nous ce matin. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous pour l'invitation. Il y a 20, beaucoup. 28 dates pendant tout l'été. Ouais. Vous les verrez, ils sont en festival. Ils repartent à Toulouse tout à l'heure, ça va pas arrêter. Surtout, ouais. on refait une tournée des Zéniths à partir de septembre. On c'est a rajouté des Zéniths, etc. Donc venez nous voir en concert. C'est là que ça se passe la musique, c'est en concert. Génial. C'est pas sur internet. Vous inquiétez Brasse pas. De vieux. Vous inquiétez pas. Il y aura pas Manu qui jouera de la non. flûte. Non. Dieu voilà, merci. Rassurez-vous. Certifié sans Manu. Merde, j'allais vous dire que j'étais libre cet été. Apparemment, je suis méga libre du coup. Il y a plus de place dans le bus. Désolé. Non, parce qu'on avait. Ouais, on devait te prendre dans le bus, mais il n'y a plus de... Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci frérot. Passez une belle journée, la playlist énergie va démarrer juste après nous. On se retrouve dès demain à partir de 6h. À demain les wawas. Ciao tout le monde. Manu dans le 6-9, 6h-9h30 sur Énergie. Conforama, le confort pour tous. Pendant les ventes privées.